Et cette, elle est chaude, elle est brûlante, cette bataille entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Les deux entrent à l'instant dans la grande ligne droite des stands. Sébastien Vettel à moins d'une seconde de Lewis Hamilton. Donc avec l'aide du DRS, il est à l'aspiration du Britannique, mais il est loin, il va peut-être pas réussir à le prendre dans le grand virage à droite, Sébastien Vettel, parce que Lewis Hamilton se défend pour l'instant avec beaucoup d'autorité. Vettel n'est pas parvenu avec l'aide du DRS à passer Lewis Hamilton. Et puis surtout avec l'aide de ses pneus plus tendres, il n'a pas réussi à anticiper l'accélération. Il s'est fait prendre une dizaine de mètres à l'accélération en sortie de la chicane. C'était suffisant pour ne pas lui permettre de pouvoir tenter le dépassement sur Hamilton sans DRS. Et oui, et puis c'est dans le snake, hein, peut-être dans cet enchaînement magnifique, magique de virage après le virage numéro 1. C'est peut-être là que l'adhérence procurée à la Ferrari par ses pneumatiques soft est la plus intéressante. Mais voilà, Patrick, pour passer dans le snake, là je ne sais pas ce qu'il faut être. Hein, il fallait être très très adroit et puis il fallait qu'il pilote une Mercedes peut-être. Ah ben c'est vrai que là il y a carrément la puissance du moteur, parce que on voit bien, Louis, on l'a vu à l'occasion du dernier tour, que malgré le DRS, eh bien la Ferrari a du mal à revenir sur la Mercedes, qui évidemment elle en est dépourvue puisqu'il n'a pas le droit de l'utiliser lui devant Hamilton. Et double avantage, hein, le DRS et la fraîcheur des pneumatiques plus performants de Sébastien Vettel. Ils ont donné le maximum. Passe par la voie des stands. Et Jenson Button ressort de la voie des stands avec des pneus soft. Alors, voyons. Button là aussi avec une stratégie. On rappelle que c'était l'homme qui était parti dernier de ce Grand Prix suite à la pénalisation, changement de moteur. Donc on choisit là aussi, pourquoi pas, hein, une stratégie agressive du côté de Jenson Button qui pilote une McLaren Honda. Faut-il vous le rappeler? Alors que Fernando Alonso avec l'autre McLaren Honda, Patrick, lui aussi malheureusement n'est que 17e, décidément, un Grand Prix. Mais on peut se permettre de faire des tests. Hein, donc de faire des erreurs de stratégie, de choix de pneus. Je pense que chez Ferrari avec Vettel, on a fait ce mauvais choix aussi en le faisant repartir en pneus soft. Ouais. Je crois que c'est reparti avec les hard, il serait avec Hamilton sans grosse difficulté. Oui, il est avec lui, mais il n'arrive pas à le passer. Non, mais il ne passera pas. Hein. Et, il n'arrive pas à le passer. Pulling away in this race. Keep your head down, the race is not over. On le calme aussi. Continue, Vettel, la course n'est pas finie, c'est ce qu'on dit à Sébastien Vettel, mais lui-même se plaignait d'avoir toutes les difficultés du monde à passer devant Lewis Hamilton. Ben oui, c'est clair. Avec un ton un petit peu attristé, hein, un peu peiné, vraiment résigné presque. Il est mieux que moi en accélération, en motricité, et il s'en va dans la ligne droite, il largue. Et oui, et puis on rappelle que du côté de ceux qui ont des stratégies différentes, eh bien, c'est outre Vettel, évidemment, on vient de le dire. Ah, c'est Carlos Sainz qui est dans les stands maintenant, Louis. Oui, Carlos Sainz Junior, le pilote Toro Rosso, lui, il était équipé de pneus durs et il va repartir avec des softs, Carlos Sainz. Voilà, ceux qui ont décidé de s'arrêter en ce moment choisissent plutôt l'option soft pour finir fort alors qu'il reste un petit peu plus d'une dizaine de tours dans ce Grand Prix du Japon. Eh ben oui, j'aime bien, moi. Qu'est-ce que tu veux? Quand il y a des stratégies différentes, au moins on essaie quelque chose, on n'est pas moutonnier, on fait pas comme les autres. C'est pour ça que j'espère que Vettel va réussir à faire sauter le bouchon Hamilton, là, pour le moment, même s'il doit composer également avec des pilotes moins rapide, Patrick. Évidemment, il faut prendre un tour à certains pilotes attardés, notamment à une Haas, là, je crois, devant lui. Oui, les pilotes attardés qui peuvent rouler plus vite que ce qu'ils le font tout d'un coup, et quand ils sont rattrapés par la tête de course, par la patrouille, ils semblent avoir tout d'un coup un regain de puissance. Et c'est marrant, hein, finalement. Et l'énergie. C'est ce dont s'est plaint Vettel, qui était leader du Grand Prix tout à l'heure avec sa Ferrari, au détriment évidemment de Pascal Wehrlein. En tout cas, on va peut-être rappeler les positions. Ce qui lui coûte peut-être la troisième place maintenant. Oui, après 38 tours couverts, Louis, c'est-à-dire à 15 tours de l'arrivée de ce Grand Prix du Japon à Suzuka. Et Nico Rosberg continue d'emmener ce Grand Prix du Japon avec beaucoup de maîtrise, d'autorité. Il est en tête, l'Allemand de l'écurie Mercedes, avec 4 secondes d'avance sur Max Verstappen. Lewis Hamilton est 3ème, 11 secondes derrière Nico Rosberg et quasiment 7 secondes derrière Max Verstappen. Sébastien Vettel est toujours coincé derrière Lewis Hamilton, qui n'a pas réussi à dépasser malgré plusieurs tentatives d'attaque. Il est toujours 4ème, Kimi Raikkonen, son équipier, 5ème. Daniel Ricciardo est 6ème, Sergio Perez 7ème, Nico Hülkenberg 8ème, Felipe Massa 9ème, Valtteri Bottas 10ème, Romain Grosjean est à 4 dixièmes du Finlandais. Au port des points quant à Esteban Ocon, il est 21e. Et oui, effectivement, pour ce Grand Prix du Japon qui, à part Vettel, dans les hommes devant, dans les six premiers, on a eu recours aux pneumatiques hard qui étaient, semble-t-il, les plus constants, les plus performants. Patrick, on va voir où terminent également les deux Force India de Perez et Hülkenberg, équipés de pneumatiques médium pour le moment. Oui, Nico Rosberg, sans souci, les gens... Ah oui. Heureux, eh bien, non pas d'histoire. Là, il est en train d'assommer peut-être le championnat et peut-être gagner une part importante dans le titre qui se dessine devant lui. Bien sûr, il faudra terminer encore les, il y a encore 5 courses à courir après l'arrivée de celui-ci, mais c'est déjà une victoire sur Hamilton importante qu'il risque de marquer ce matin. Eh oui, c'est évident que là, Nico Rosberg qui maintient un écart d'environ 4 secondes 9 maintenant sur Max Verstappen. Et si on se réfère au dernier tour, eh bien on est exactement dans le même rythme. 1,37,58 millième pour Nico Rosberg, 1,37,11 millième pour Max Verstappen au deuxième rang. Ça veut dire, Louis, qu'on se neutralise entre déjà les deux leaders de ce Grand Prix de Suzuka. Exactement, et que Nico Rosberg gère son avance comme il le fait depuis le début. Lui a réussi à prendre un très bon départ. Sa stratégie a été la bonne parce qu'à chaque fois il a réussi à revenir en tête profitant des arrêts de ses poursuivants. Et il est donc désormais à un petit peu plus de 4 secondes devant Max Verstappen. Quant à Sébastien Vettel, lui continue de se battre derrière Lewis Hamilton, mais l'écart se creuse. Il était à 3 dixièmes du Britannique tout à l'heure. Il est désormais relégué à quasiment 2 secondes de Lewis Hamilton, donc il ne tire pas avantage de son train de pneumatique plus performant. Absolument, Louis, ni de son train de pneumatique ni de l'utilisation du DRS. On a bien compris, Patrick, qu'au moment où il a tenté les attaques sur Lewis Hamilton, c'était le pic de performance de son train de pneumatique soft. Et là maintenant, il va même falloir Sébastien qu'il gère un petit peu par rapport à son équipier Raikkonen, qui n'a pas la même monte pneumatique que la sienne derrière. Oui, on a bien vu la chute de performance de ses pneumatiques. Il aurait fallu qu'il ressorte juste derrière Hamilton au moment où il les avait montés pour pouvoir en tirer bénéfice. Il lui fallait faire au moins un demi-tour et puis après on a vu que les pneus se sont dégradés quand Hamilton est parti. Allez, 40 tours ont été couverts sur les 53 de ce Grand Prix du Japon à Suzuka. Rosberg, leader avec près de 6 secondes d'avance maintenant sur Verstappen et Hamilton. Voilà le podium. Vettel est 4e. Grosjean est aux portes des points, 11e. Vous restez avec nous, vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1. RMC, Grand Prix du Japon. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec RMC, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Jamais un politique n'a fait l'objet d'autant de questionnements. Le psychanalyste Gérard Miller lève le voile sur l'homme qui a su se cacher en pleine lumière. Nicolas Sarkozy, l'homme qui courait plus vite que son ombre, un document inédit dans le Mois politique, demain à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Mayday, ici Deepwater Horizon. Revivez l'incroyable histoire vraie du plus grand désastre pétrolier de tous les temps. Il faut qu'on aille au canot de sauvetage tout de suite. Préparez-vous au film catastrophe de l'année par le réalisateur d'Hancock et Battleship. Il faut qu'on sorte de là. Retrouvez Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell et Dylan O'Brien dans leur combat pour survivre. Deepwater, au cinéma le 12 octobre. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip top. Exemple, Feu Vert offre moins 10% sur votre révision réservée en ligne et votre garantie constructeur est préservée. Mais attention, vous n'avez plus que jusqu'au 22 pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Mon montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. 35 ans, ça se fête. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. Marc, ça te dérange si je prends deux jours pour aller chercher mes nouvelles lunettes à Nantes? À Nantes? Mais pourquoi Nantes? Bah, parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, hein. Ah, moi, que tu me dises que notre mutuelle a mieux à proposer? Non, je crois pas. Bah voilà. Mais tu sais, c'est pas si mal, Nantes. Je t'ai déjà dit que, plus jeune, j'habitais à Bordeaux. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Marion aurait pu bénéficier d'un réseau de plus de 5000 opticiens forcément près de chez elle. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale. RMC, Grand Prix du Japon, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amar. Allez, vous êtes bien sur RMC, la radio de la Formule 1. Nous vivons le Grand Prix du Japon en direct. 42 tours ont été couverts sur les 53 tours à parcourir. Je vous rappelle qu'à partir de 9h, eh bien, vous retrouverez votre auto avec François Sorel et Jean-Luc Moreau. Mais pour le moment, évidemment, le bras de fer se poursuit avec un écart, Patrick, qui est limité entre Nico Rosberg et Max Verstappen, un peu plus de 5 secondes. Mais on a quand même le sentiment que Rosberg contrôle assez bien la situation. Oui, c'est un sentiment que je partage totalement. Je crois qu'il est en mode gestion parfaite de son train de pneus. Et alors qu'on va croiser les doigts parce que c'est un... Alors que du côté de... Justement, la radio de Nico Rosberg, oui, qui l'ont dit de faire attention à ses pneus. Et ses pneus avant. Son pneu avant gauche, hein, sûrement, probablement. C'est le plus sollicité là sur ce tracé de Suzuka. Et puis Louis, derrière, on voit que Lewis Hamilton est donc parvenu à prendre la troisième position. Avait-elle l'orlu? Deuxième changement de pneumatique. Et on avait adopté stratégie agressive, Louis, avec Vettel et des pneumatiques soft. Et bien, pour le moment, ça ne fonctionne pas puisque Hamilton reste devant. C'est un euphémisme, il a creusé l'écart, ouais. Même Lewis Hamilton avec Sébastien Vettel pour le porter à plus de 3 secondes. Lewis Hamilton qui parvient même désormais à se rapprocher du deuxième de ce Grand Prix. Max Verstappen, alors, ça, seulement 2 secondes les sépare. Oui. Il va peut-être aller le manger. Eh oui, ça c'est intéressant parce que Lewis Hamilton, on le sait, qui était tombé au 9e rang de ce Grand Prix du Japon juste après le départ, après avoir totalement raté ce départ, eh bien, a dû attaquer pour remonter. Et puis Patrick, il faut déjà le dire, une très belle stratégie de l'équipe Mercedes pour le deuxième arrêt au stand, notamment de Lewis Hamilton au 33e tour. Oui, on a été rapide, on a été très rapide. Et oui, sur la vélocité du changement de... Et oui, on l'a fait passer devant Vettel à ce moment-là. Hein. Ah oui, mais je pense que... Ouais. Allez. Un vrai problème avec les pilotes attardés. Depuis tout à l'heure, beaucoup s'en plaignent. Ouais. C'est Sébastien Vettel qui avait lancé les hostilités contre Pascal Wehrlein tout à l'heure. Il y est revenu en qualifiant tout cela de blague. Max Verstappen à son tour s'y est mis parce qu'il est vrai que les pilotes de tête ont perdu pas mal de temps. Nico Rosberg, notamment sur un tour, a été largement ralenti par des pilotes qui étaient un peu à la traîne. Et quand ils sont dans leur rythme, des pilotes qui le rattrapent, s'ils ne les passent pas tout de suite, ils ont une dégradation de la température des pneus avant qui ont tendance à se refroidir. Et ils perdent du grip et ils deviennent plus souvireurs de l'avant. Oui, et puis Patrick, on observe que du côté des stratégies alternatives, on a beaucoup parlé de Vettel, quatrième avec sa Ferrari. Et bien du côté de Sergio Perez et Nico Hülkenberg, les joyeux duettistes de Force India, ça fonctionne pas mal, hein, non plus. Septième et huitième. Ouais. C'est bien. Oui, ils sont en 37-7 tous les deux là. En ce moment, ils sont en train de se livrer un bon combat. Un bon combat, effectivement, devant les autres joyeux duettistes, mais cette fois de Williams Mercedes. Il s'agit de Felipe Massa et Valtteri Bottas. C'est eux qui empêchent Romain Grosjean de rentrer dans la zone des points, Louis. Ouais. Oui, Romain Grosjean, il est pour l'instant 11e, mais il est tout proche, hein, de Valtteri Bottas. Bah, il est pas loin. Moins de 2 secondes du Finlandais. Il peut rentrer dans les points. Ça serait une bonne nouvelle pour Romain Grosjean qui cherche un point depuis le Grand Prix d'Autriche. C'était au début du mois de juillet. Lewis Hamilton, lui, commence à se rapprocher très sérieusement de Max Verstappen. Il est en fusion, en furie, le Britannique. Il sait qu'il doit limiter les dégâts par rapport à Nico Rosberg pour conserver une chance de se rapprocher de lui et de limiter les dégâts au classement général provisoire du championnat du monde. Lewis Hamilton derrière Max Verstappen pour aller chercher peut-être une deuxième place. Il est à moins de 2 secondes, moins d'une seconde et demie même du néerlandais. Bientôt Hamilton entrera dans une zone qui lui permettra d'attaquer avec le DRS. C'est fait, il est à moins d'une seconde de Verstappen, lancé à pleine vitesse dans la grande ligne droite des stands. Lewis Hamilton qui va aller chercher le néerlandais, se rapprocher de lui, tenter de prendre l'aspiration, mais il est loin, il ne parviendra pas à le dépasser sur le grand virage à droite qui ouvre le premier secteur. Ah oui, il est littéralement sur un autre rythme là, Lewis Hamilton, en cette fin de Grand Prix. 45 tours ont été couverts. Il commence sérieusement à m'énerver. Voilà le mot. Il faut leur demander de s'écarter. S'il ne pas à la première jonction, il faut les virer. Ouais, il parle des pilotes attardés. Naturellement, ouais. C'est Kimi Raikkonen, hein, pour être précis, à bord de sa Ferrari qui est actuellement cinquième de ce Grand Prix et qui, lui, évidemment, va essayer quand même, même s'il a 8 secondes, de remonter sur Vettel devant lui, même si ça va être compliqué. Il faudrait qu'il reprenne une seconde par tour, ça paraît beaucoup. Et il se défend en tout cas de la remontée de Daniel Ricciardo derrière lui. Mais ce qui nous intéresse maintenant plus que tout, évidemment, c'est la bataille pour la deuxième position de ce Grand Prix, Louis, avec un Lewis Hamilton et un moteur Mercedes qui peut-être cette fois vont parvenir dans la voie des stands à remonter dans le sillage de la Red Bull Renault. On va voir ça dans quelques instants parce qu'on s'approche de la voie des stands. Il est à 5 dixièmes de Max Verstappen. Lewis Hamilton qui est toujours donc derrière le néerlandais qui se rapproche également de Nico Rosberg. Il y a un petit peu plus de 5 secondes qu'il sépare de la tête de course. Donc si jamais il parvenait à prendre Verstappen, ça pourrait nous offrir un beau finish entre les deux pilotes Mercedes qui sont aussi les co-leaders au classement général provisoire du championnat du monde. Lewis Hamilton lancé dans la ligne droite des stands, la zone de DRS de ce circuit de Suzuka, derrière Max Verstappen. Tout à l'heure il était trop loin pour placer. C'est une attaque au freinage à droite. Pour l'instant, il n'y parvient pas non plus, Lewis Hamilton. Max Verstappen a réussi à la réaccélération après la chicane à creuser l'écart qui lui permet de rester devant. Ah oui, il est très très bien sorti de la chicane, hein, Patrick. Il a bien joué le coup là, Max Verstappen. Il a beaucoup de métier. Autant on a vu évidemment Hamilton revenir dans le sillage au freinage, mais il a accéléré très tôt et la motricité de la Red Bull Renault est impressionnante. Si on compare à l'accélération qu'il avait faite par rapport à la Ferrari de Vettel tout à l'heure, le moteur Renault, c'est le moteur qu'utilise la Red Bull de Verstappen, ne semble pas ridicule. Hein. Pas du tout. Il était très efficace, alors que la monoplace de Red Bull passe pour une voiture qui a un petit peu d'appui quand même. Ouais, super, super motricité vraiment à la sortie de la chicane, alors qu'on l'a dit évidemment à la sortie du 130R, Louis, il était dans le sillage, même s'il n'avait pas le DRS, il était à l'aspiration Hamilton et il était revenu comme une balle littéralement dans la boîte de vitesse de la Red Bull. Et ça communique pas, hein. Et c'est là que tout s'est joué, parce que si l'écart avait été le même à la sortie du 130R et dans la ligne droite des stands, Lewis Hamilton serait sans doute passé devant Max Verstappen au virage numéro 1. Verstappen qui est donc obligé de tout donner pour reléguer Lewis Hamilton derrière lui et qui, par voie de conséquence, se rapproche de Nico Rosberg. C'est le message qu'on a fait passer à l'allemand dans sa radio. Attention, Verstappen est obligé de tout donner pour repousser Hamilton, donc il se rapproche de toi. Rosberg va devoir recréer peut-être un petit écart parce que Verstappen est passé sous la barre des 5 secondes derrière l'allemand de l'écurie Mercedes. Allez, attaque potentielle à nouveau de Lewis Hamilton, le troisième de ce Grand Prix après ce très mauvais départ. Il résiste ce bâtard. Ah oui, et oui, Patrick, il résiste par tous les moyens. Il est bon, il est coriace, hein. Demandez à Kimi Raikkonen s'il n'est pas coriace, le Verstappen. Parce qu'on en a vu des passes d'armes entre les deux hommes depuis le Grand Prix de Barcelone. On se rappelle que Raikkonen, le champion du monde avec Ferrari en 2007, faut-il le rappeler, n'était pas parvenu en 25 tours à trouver l'ouverture sur le bâtard, Patrick. Donc ça veut dire que là, Hamilton, il va devoir déployer également des talents de pilotage. Oui, il est très tendu sur toutes les trajectoires. On ne le voit pas de déséquilibre notoire. Il est parfait en réaccélération, il a de la bonne motricité, surtout à la sortie de l'épingle à gauche qui est le virage le plus lent du circuit et qui l'emmène sur de la vitesse, de la haute vitesse, et qu'il il y a un problème de freinage, ce n'est pas lui, mais Hamilton en profite pour essayer de se rapprocher et puis perd en réaccélération sous les yeux médusés de toute l'équipe. Est-ce qu'il va tenir encore 6 tours, Max Verstappen, pour tenir cette deuxième position sur le podium du Grand Prix du Japon à Suzuka? Et puis il va falloir composer également, Louis, avec des pilotes attardés, et on sait que certains mettent de la mauvaise volonté à se faire prendre un tour. Exactement, Max Verstappen qui est donc en train d'empêcher Lewis Hamilton de prendre une place supplémentaire, et elle serait cruciale pour le Britannique, cette place supplémentaire dans la bataille qui l'oppose à Nico Rosberg au classement général du championnat du monde. Si Lewis Hamilton a peut-être abdiqué ses ambitions de victoire ici à Suzuka, il doit limiter les dégâts et revenir sur Nico Rosberg. Mais encore une fois, dans la ligne droite des stands, il est trop loin de Max Verstappen pour tenter de placer une attaque. Verstappen se défend admirablement, chaque réaccélération est pour lui l'occasion de créer un écart supplémentaire. Hamilton ne parvient pas à revenir à son contact pour le prendre sur un freinage. Et oui, pas d'ouverture. On rappelle que Lewis Hamilton a dû effectuer une remontée météorique dans ce Grand Prix du Japon, puisqu'il a totalement raté son départ. Il était 9e peu après le départ, il est remonté 3e, Patrick, mais ça ne lui suffit pas, comme le disait Louis. Évidemment, il y a 3 points à glaner, hein, 3 points d'écart, sinon qu'il va compter en plus sur Nico Rosberg. Mais ce jeune Verstappen est en train de surprendre tout son monde, puisqu'il est encore au combat, il est devant Hamilton, le champion du monde, qui lui met une pression d'enfer. Il ne commet pas d'erreur, il reste là, et je pense qu'il va tenter d'essayer d'aller jusqu'au bout. Il a, qu'est-ce qu'ils ont encore comme différence de tour? Ils ont 4 tours de différence. C'est ouais, ouais, ouais. Ah non, il est solide, hein. Il est très très solide, et évidemment, ça ne lui pose aucun problème de voir le museau d'une Ferrari ou même d'une Mercedes derrière lui. Ouais. Il ne commet aucune erreur, il ne regarde que devant lui, Max Verstappen, et pour le moment, il parvient toujours, lui, à repousser à 5 tours de l'arrivée les attaques de Lewis Hamilton. Est-ce que ça va tenir jusqu'au terme de ce Grand Prix du Japon? Un pilotage extrêmement propre de Max Verstappen. On le louait régulièrement pour la qualité de ses attaques. Et bien désormais, c'est pour la qualité de sa défense qu'il faudra également saluer le Néerlandais, qui déploie des trésors de pilotage et de trajectoire pour empêcher Lewis Hamilton de le prendre. Parce que Lewis Hamilton, lui, en revanche, n'abdique certainement pas. Il est depuis tout à l'heure dans la zone de DRS, sous la seconde. Et le voici maintenant, encore une fois, dans la ligne droite des stands, toujours derrière Max Verstappen, mais toujours trop loin de lui pour aller le chercher dans le virage numéro 1. Il y a une seule zone de DRS. Lewis Hamilton attend à chaque fois d'être dans la ligne droite des stands pour se mettre à l'aspiration de Max Verstappen et profiter justement du DRS. Et à chaque fois, Verstappen a creusé précédemment un écart suffisamment conséquent pour ne pas se retrouver sous la menace du Britannique. C'est magnifique ce que fait Verstappen depuis tout à l'heure. Ah, c'est superbe, hein. C'est un très beau mano à mano entre quand même un triple champion du monde. Il s'agit de Lewis Hamilton, évidemment, aux commandes de la Mercedes, la meilleure voiture du plateau, et de très loin, hein, Patrick. Et devant, il y a la Red Bull Renault, dont Max Verstappen tire absolument des merveilles. C'est une pépite, hein, ce pilote hollandais, je sais bien. On peut nous reprocher toujours de nous emballer, mais là, il démontre à nouveau toute l'étendue de son talent. Absolument, il a des nerfs d'acier pour rester devant comme ça, sans commettre d'erreur, de faute, sur un Hamilton qui a l'air de... Oh, bon, peut-être assurer le coup aussi, hein, mais il n'a pas l'air d'être en mesure d'essayer une tentative, en tout cas. Il a tenté de le faire, mais sans succès. Et Verstappen est toujours là, toujours en contact, et c'est même lui qui me donne l'impression de se rapprocher un peu de Rosberg, ou en tout cas de lâcher Hamilton. Ouais, 5 secondes 8 d'écart pour le moment entre leader Nico Rosberg. On en parle un peu moins dans ces derniers tours, évidemment, Louis, parce que Nico Rosberg, eh bien, il contrôle là. Il a remis un petit coup pour se donner un peu d'air. Il y a 5 secondes 8 d'écart exactement entre le premier et le duo de deuxième, Louis. Et ça fait ses affaires, évidemment, à Nico Rosberg de voir Lewis Hamilton toujours contenu par Max Verstappen. Nico Rosberg qui se dirige vers sa première victoire ici au Grand Prix de Suzuka. Une statistique va lui donner le moral s'il en avait besoin à Nico Rosberg. Depuis 2012, le vainqueur du Grand Prix de Suzuka est également le champion du monde en fin de saison. Ah oui, c'est vrai que là, les signes, évidemment, s'accumulent. On va pas vendre la peau de l'ours ou du samouraï, en tout cas. Il reste encore 3 tours à parcourir, c'est-à-dire une quinzaine de tours de ce tracé de Suzuka. Mais Patrick, la défense du pilote hollandais est extrêmement autoritaire, et Hamilton fait un peu correct, yo-yo. Hein. Il n'a jamais fermé la porte, au contraire. Jamais. Il est toujours resté pile poil sur la trajectoire officielle. Il est en pleine accélération, mais il sent que s'il doit fermer la porte à un moment donné, ce serait de permettre à Hamilton, de le laisser démontrer, ou croire à Hamilton qu'il a la possibilité de le passer. Alors il reste sur la trajectoire, il est gaz à fond. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque, Louis, hein. Parce qu'effectivement, Verstappen, il regarde devant et pas derrière. Il pilote magnifiquement bien dans la fin de ce Grand Prix. Verstappen, on rappelle qu'il a changé pour des pneumatiques dures. C'était au 28e tour. Nous sommes au 50e tour, et pour le moment, il maintient ses pneus en excellent état, Louis. et son calme également est épatant à Max Verstappen, parce que tout à l'heure Lewis Hamilton était revenu dans son sillage à la sortie de la chicane. Il était à 3 dixièmes du néerlandais dans les S également sur un tour. Lewis Hamilton s'était très sérieusement rapproché de Verstappen, qui jamais ne s'est départi de son grand calme pour regarder, tu le disais, toujours droit devant et continuer à enchaîner de magnifiques trajectoires. L'écart à nouveau s'est réduit là, il était porté à 4 dixièmes entre les deux, mais à chaque fois à la réaccélération après la chicane, c'est vraiment un chef d'œuvre de réaccélération pour Max Verstappen. Et Lewis Hamilton va encore une fois tenter de se jeter à l'aspiration du néerlandais, mais la trajectoire est trop parfaite, trop propre pour Max Verstappen. Même avec le DRS, Lewis Hamilton ne parvient pas à le reprendre. Il se rapproche, là il n'y a plus que 337 millièmes entre les deux, mais c'est encore trop juste pour Lewis Hamilton, qui ne parvient pas pour l'instant, alors qu'il reste deux tours à couvrir, à prendre Verstappen. Ah, c'est magnifique hein, le boulot que fait Max Verstappen là, vraiment. Et les deux hommes qui évoluent toujours à 5 secondes et demie environ du leader Nico Rosberg, qui lui protège ses arrières. Et c'est qu'a priori 51 tours ont été couverts maintenant. Je vous rappelle qu'il y en a 53 à parcourir. A priori, Patrick, eh bien, l'enjeu de la fin de ce Grand Prix, c'est bien la bataille pour la deuxième marche du podium entre le Hollandais de Red Bull et le pilote britannique de chez Mercedes. Et il est à l'affût, Hamilton, il est à l'affût, le chasseur qui chasse le pilote hollandais. Il est là à attendre la moindre petite faute, le moindre écart de trajectoire. Mais c'est, aïe, aïe, aïe, peut-être que c'est dans, les, oui, c'est dans cette épingle-là qu'il est le moins rapide. Il a tendance à sous-virer vers sa peine un petit peu trop. Je pense que les pneus avant sont un petit peu juste pour le pilote batave dans ce gauche, l'épingle. Parce que bon, dans les rapides, il a l'air très très bien, mais dans ce gauche-là, il se fait reprendre un petit peu. Et oui, tu as raison, Patrick. Effectivement, il est obligé de taper dans ses pneus. Et Lewis Hamilton n'a jamais été aussi près. Et maintenant, il est à l'aspiration avant la bosse de la chicane dans le centre en terre. Il est à quelques mètres maintenant de la voie de vitesse. Il essaie de l'attaquer à l'intérieur, mais non. Et maintenant, à l'extérieur, il tire tout droit. Il s'est loupé, semble-t-il. Et oui, il s'est raté, Lewis Hamilton. Ah, voilà. Et je crois que c'était. C'est le vieux. Et c'est le vieux qui s'est loupé. Et oui. Il a court-circuité la chicane. Absolument. Alors bon, il n'a pas gagné de temps. Hein. Au contraire, il se retrouve un petit peu attardé derrière. Il s'est fait avoir. Et il s'est fait avoir, effectivement. Mais une attaque autoritaire de la part de Lewis Hamilton. Il a bien fermé à l'intérieur, Max Verstappen. Hamilton n'a eu d'autre solution. Et oui, que de tirer à l'extérieur, une manœuvre que l'on avait déjà vue dans le passé à plusieurs reprises, Patrick. Mais là, on peut dire que Verstappen a encore gagné des galons de pilotes talentueux. Et on s'apprête maintenant, évidemment, à fêter la victoire de Nico Rosberg, puisque devant, il y a l'autre pilote Mercedes qui aura réalisé, Patrick, une excellente opération dans le cadre de ce Grand Prix du Japon. Oui, de temps en temps, il y a encore un peu de kilométrage à faire, parce que là, il va falloir serrer les dents. Allez, dans la spoon maintenant pour Nico Rosberg. Long virage à gauche qui amène sur la ligne droite de retour. Oh, ça devrait bien se passer quand même pour lui, hein, logiquement. Bien sûr. Oui, oui, il a maîtrisé la situation jusque-là. Mais, il reste quelques. C'est superstitieux. Oui, il aborde la ligne droite. Il va y avoir le centre en terre. Évidemment, il y a des pilotes attardés devant lui, mais il n'a pas de pression, hein. Il a plus de 5 secondes d'avance pour le moment sur le duo et le duel Verstappen et Hamilton. Et on sait que Hamilton, à la suite de cette tentative à l'amorce de l'avant-dernier passage à la chicane, a perdu du temps. Voilà Nico Rosberg qui négocie maintenant, lui, pour la dernière fois, la chicane de ce tracé de Suzuka. Voilà une nouvelle victoire pour Nico Rosberg. Ça va être la 9e de la saison, 9e victoire. Et voilà Nico Rosberg qui réalise le 23e succès de sa carrière de pilote de Formule 1. Ah oui, c'est remarquable. Là, la trajectoire de Nico Rosberg est absolument parfaite dans ce Grand Prix du Japon. Et derrière, eh bien, Verstappen va terminer à moins de 5 secondes. 2e de ce Grand Prix avec la Red Bull Renault. Et Lewis Hamilton, 3e de ce Grand Prix. La joie de Nico Rosberg dans quelques secondes au micro. Il a réalisé un très beau coup, Patrick. Splendide, splendide, splendide. Sans problème, il fallait réussir son départ. C'était déjà une grosse partie du gâteau qu'il devait absolument réussir. Ça s'est bien passé pour lui. Et pour Hamilton, par contre, ça a été beaucoup plus difficile. So, one in the land of the rising sun. Really good job, Nico. Really good job. Thanks a lot, guys. Amazing weekend. And congrats to the win on the constructors. Alors, il félicite son équipe pour avoir gagné le titre des constructeurs. Ça y est, c'est fait.

Et là, il devient vraiment remarquable. Ah oui, remarquable, effectivement. Max Verstappen qui va porter le total de ses points à 165. C'est dire que, tenez-vous bien, il est à égalité avec Sébastien Vettel. Vettel qu'il devance largement puisqu'il termine quatrième de ce Grand Prix. Lewis Hamilton, deuxième. Et là, c'est le titre constructeur également. Nico Rosberg l'a souligné, Patrick, tout à l'heure. Ouais. Bon, il était attendu, il était inévitable pour l'équipe Mercedes. Tout à fait, mais là c'était remarquable de le faire aussi quand même après une course de tension intense, de physiquement, c'est un Grand Prix très difficile sur le plan de la résistance musculaire, des pilotes qui sont malmenés de gauche, de droite, ballottés sans arrêt. C'est vraiment un Grand Prix, un circuit très très physique et très très très délicat à gérer. Et puis on soulignera que Daniel Ricciardo, sixième de ce Grand Prix avec l'autre Red Bull Renault, eh bien a été là dominé pour le coup par Max Verstappen. Il y a rien eu à faire, hein, Patrick. De quelle manière? Ah, de quelle manière? Oui. Allez, le podium maintenant. Au départ. Eh oui, effectivement, au départ, puis après, il a été très, très solide. Le podium avec Lewis Hamilton, évidemment, qui monte sur la troisième marche de ce podium. Un petit peu déçu, un petit peu résigné, mais bon, c'est la course, effectivement. Il a raté le départ. Il applaudit sportivement, non seulement Max Verstappen, mais aussi Nico Rosberg, qui va monter, évidemment, sur la plus haute marche du podium. On écoute l'hymne allemand pour cette nouvelle victoire de Nico Rosberg, la 23e de sa carrière de pilote de Formule 1. On a coutume de dire, Patrick, évidemment, que les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est vrai que sur ce Grand Prix, l'histoire de Nico Rosberg, elle est linéaire. Un excellent départ, de beaux arrêts au stand, parfaitement exécutés par son équipe, Patrick, et la victoire, évidemment, à la clé. Nico Rosberg, il s'est arrêté au 12e tour après être parti en pneumatique soft. Il a monté des pneumatiques dures, qu'il a emmené au 29e tour. Et sans problème, il a géré, Patrick, même si la bagarre derrière entre les deux fous furieux, Verstappen et Hamilton, leur a un petit peu permis de revenir. Oui, c'est pas péjoratif de dire qu'il a géré, il a fait ce qu'il doit faire, il doit effectivement gérer, mais ça n'est pas diminuant sa performance que de dire cela. Ah non, ça ne diminue en rien, au contraire, ça veut dire qu'il avait assuré la maîtrise sur ce Grand Prix total. Ouais, non, de toute façon, il suffit de gagner, hein, et jamais, à aucun moment, aucun de ses adversaires n'a été en mesure de revenir sur lui, même si, on l'a vu, Patrick, après le deuxième arrêt, il n'y avait de mémoire plus que 2,5 secondes d'écart entre Rosberg et Verstappen. Oui, c'était d'une gestion parfaite de la situation, mais Verstappen, lui, il était beaucoup plus dans un mode d'attaque à outrance, totale, sans retenue, et Hamilton de même pour essayer de le passer. Donc, devant, Nico Rosberg était là au contrôle de la situation et il n'a rien laissé paraître d'une quelconque faiblesse depuis le début du week-end, en fait, puisqu'il bien a sûr. Été. Il a été quasiment en tête à toutes les séances. Et puis, c'est le sixième podium de la carrière de pilote de Formule 1 et de la saison 2016, évidemment, pour Max Verstappen. On peut dire qu'on ne s'est pas loupé là, de ce côté-là. Après, c'est un beau championnat. Hein. Ah oui. Fin, ça devient très, très... beaucoup de suspense. Quand on se souvient du moteur cassé d'Hamilton le week-end dernier, on se dit, ces genres de choses peuvent arriver à Nico, il faut pas lui souhaiter ou lui faire un chat noir, mais bon, là il y a une très très belle série et généralement ces belles séries là elles s'arrêtent. Mais Patrick, faut bien dire que là les Ferrari ont été quand même un petit peu en retrait, hein, soyons clairs. Vettel, malgré tout son talent, ne termine que quatrième, juste devant son équipier Raikkonen, avec deux stratégies différentes. On avait monté les pneumatiques soft pour le dernier stint pour Vettel et ça ne lui a pas permis de prendre l'avantage sur Lewis Hamilton. C'est une stratégie qui est classique chez Ferrari, on met les soft pour essayer de sauver la face, hein, donc pour essayer de faire un petit peu illusion, on essaye de donner de la performance gratuitement par l'utilisation de pneus plus tendres, mais en fait ça se... Allez, félicitations à Nico Rosberg, le vainqueur de ce Grand Prix ici à Suzuka. Félicitations Nico, vraiment, ce champagne, il doit avoir un goût particulier sur ce podium. Tout ce week-end s'est bien déroulé. C'est quelque chose de vraiment spécial de remporter, surtout sur ce circuit légendaire. J'ai voulu féliciter tous les membres de notre équipe pour gagner ce troisième titre consécutif. On va faire une grande, grande fête ce soir, je pense. Merci à vous tous d'être venus ce week-end. De vous voir tous aussi nombreux dans les tribunes, c'est remarquable. Nico, comment était la piste aujourd'hui? Daniel Ricciardo vous a fait boire dans la chaussure, est-ce que vous allez faire l'inverse? Non, je veux plus boire de ce breuvage. Dans une chaussure, en tout cas. Allez, on se tourne vers Max Verstappen. Ça a été chaud, hein, effectivement. Il y avait du trafic également sur la piste, il a fallu dépasser des pilotes attardés, dit-on à Max Verstappen. Oui, mais bon, j'avais économisé un petit peu de pneus quand même pour dans le dernier relais. Arriver deuxième, c'est une très très belle performance et j'en suis très très heureux. Non, je n'ai pas eu trop de problèmes avec ma respiration. Je ne suis pas bloqué pour être deuxième. Je n'ai pas forcé plus que ça. Mais... Allez, on en vient à Lewis avec un départ raté, malheureusement, qui vous a fait glisser dans le classement. C'est un ingénu. Hein? C'est spontané. Ouais. Alors là, c'est corporate. Je suis très, très satisfait. J'aurais félicité mon équipe. Je suis très, très heureux d'en faire partie. Alors, je voudrais remercier Mercedes. On n'aurait jamais pu réussir tout cela sans ce soutien. Et je suis content d'avoir réalisé cette course et d'avoir terminé au moins dans les points. Et oui, c'est évidemment du côté du championnat du monde. On va voir ce qui va se passer. Il va falloir revenir. Il va pas lâcher. Ouais. On verra la prochaine course. C'est pas bon, hein, Patrick. Là, le ton utilisé, le visage de Lewis Hamilton, soyons clairs. Là, évidemment, tu l'as dit. Alors, on revient vers Nico Rosberg. Maybe a little bit, but not too much, because the season is still long, many races to go around the world, you know, so I need to keep my energies. Ah, il faut que je garde l'énergie, il y a encore beaucoup de courses à faire autour du monde. Voilà. Bon, la leçon à tirer, l'attitude, le body language que tu aimes bien, Patrick, et tu as raison, hein, sur ce podium de Suzuka, 17e épreuve du championnat du monde qui voit une nouvelle victoire de Nico Rosberg, quand même la 9e de la saison. Patrick, là, il y a un homme qui triomphe et un autre qui paraît presque, je dis bien presque, résigné. Mais il ne veut pas bouder son succès, Nico, il faut qu'au contraire. Qu'il en profite, que c'est une belle victoire pour lui. Et de son côté, Hamilton, quand il gagne, il se lâche aussi, hein. Et, ouais. Et beaucoup plus de manière ostensible que ne le fait Rosberg, qui reste très sobre et très, très bien poli, très, très, très bien élevé, dans un protocole assez rigoureux. Oui. On a vu Lewis Hamilton quitter le podium extrêmement rapidement. Oui, oui. La tête basse, voilà, là, franchement, voilà. La tête basse. Ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait gagné. Ah ben, c'est évident, Patrick. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, il n'est pas parvenu à gagner son combat face à Max Verstappen. Et ça aussi, bon, il aurait terminé deuxième après avoir raté le départ. Peut-être là, se dit-il, bah oui, là, décidément, ils m'ont manqué, même ici, même aujourd'hui. Avec ma Mercedes, je n'ai pas été en mesure de dépasser presque un rookie, hein, un tout jeune pilote d'à peine 18-19 ans. C'est pour lui, ça doit être un peu frustrant. Oui, quand on le compare et on l'a pu le faire directement à une Ferrari, par exemple, avec Vettel, qui n'a jamais pu revenir au contact de sa Mercedes. Il était pourtant mieux chaussé en pneumatique. Oui. Et quand on le compare aussi aux performances de la Red Bull Renault de Verstappen sur la fin de course, où les rôles étaient inversés, il était derrière, donc il aurait pu, avec l'aspiration, le DRS, venir à bout dans la ligne droite de cette machine. Bon, mais on se rend compte qu'il était quand même bien équipé, qu'il n'avait pas de soucis particuliers majeurs avec la monoplace. et qu'il a été, il n'a pas été en mesure d'aller chercher la deuxième place. Ouais, oui, puis on a presque l'impression, Alexé, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais une sorte de passation de pouvoir, Lewis Hamilton restait sur deux victoires à Suzuka en 2014 et 2015. Encore une fois, lorsqu'il y a eu le break cet été, hein, c'est lui qui tenait bien la situation en main. Et là, eh bien, malheureusement pour lui, Lewis Hamilton, depuis la reprise, il a perdu pied. Manifestement, Patrick, il a perdu pied parce que Nico Rosberg a enchaîné donc les victoires, on le sait bien, en Belgique, en Italie, à Singapour. Il était encore sur le podium en Malaisie, malgré l'incident qu'il a frappé en début de course. On a l'impression que la balance est partie dans le sens de Nico Rosberg, Patrick, depuis la rentrée à la fin du mois d'août. Oui, mais cette balance, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire très attention dans ces séries de réussite formidable, elle s'arrête toujours à un moment. Alors peut-être que Rosberg va nous faire mentir, que ce soit le cas, il va continuer de cette manière, avec cette machine diabolique qu'il a entre les mains, à terminer les courses devant, ou alors Hamilton va retrouver son allant qui était le sien au moment de ses séries à lui. Mais quand on le voit déambuler ou discuter ou plaisanter avec tout le monde, il est beaucoup plus déconneur, si je peux utiliser ce terme-là, entre guillemets, qu'il ne l'était avant, où il était plus concentré sur l'objectif. Et peut-être que quelque part, dans le body language, il a déjà abandonné. Ouais, c'est clair. Là, sur le podium, l'attitude de Lewis Hamilton était une attitude résignée. C'est vraiment le mot qui me vient. Abandonné. Ouais, voilà. Résigné. C'est-à-dire, bon, je vais tout faire, je vais me battre jusqu'au bout. On peut lui faire confiance, C'est pas joué. Encore une fois, il y a 4 grands prix à disputer. Il y a un paquet de points à répartir. Mais tout de même, Lewis Hamilton, là, vraiment effondré après ce départ, mais totalement raté. Un des pires départs, peut-être, de sa carrière de pilote de Formule 1. Il en a pourtant raté, déjà. Mais là, celui-là se retrouvait aussi loin. Et puis après, surtout, Patrick, même si il a pris l'avantage sur un certain nombre de ses adversaires, être incapable de passer une Red Bull Renault, enfin pour lui, pilote Mercedes, dominateur, ça doit être encore peut-être plus dur à avaler que tout le reste. Très très très juste, ça doit être très différent, c'est son tempérament et c'est son caractère, et c'est pour ça qu'il est apprécié de cette équipe. Mais par moments, ça devient peut-être un petit peu trop prenant sur l'ambiance générale. C'est clair. Et c'est ce qui lui permet de dominer aussi Nico Rosberg. Et puis, on parlait de Max Verstappen il y a un instant, avec cette capacité d'attaque, parce que, bon, il a pris un excellent départ, évidemment, il en a profité, il a réussi à se maintenir aux avant-postes, et c'est ça qui était peut-être pas évident, Patrick, parce que le rush final, on pensait bien que Lewis Hamilton, surtout à un moment de ce Grand Prix, dans à une dizaine de tours de l'arrivée, il revenait comme une balle, littéralement, sur la Red Bull Renault du jeune pilote hollandais. On pensait bien que Lewis, triple champion du monde, allait n'en faire qu'une bouchée avec sa Mercedes. Oui, alors on a entendu un pilote inexpérimenté, entre guillemets, encore une fois, se plaindre de l'équilibre de sa monoplace en tout début de course, quand il était tout seul, et en fin de course, avec le champion du monde derrière lui, ne plus trouver de problème. Et il est rentré dans son pilotage à ce moment-là, il a commencé à se concentrer peut-être d'un niveau supérieur, parce qu'il voulait résister, il voulait cette deuxième place. Et il a réussi à tirer le maximum du matériel qui était plus ou moins, d'après lui, déséquilibré. Oui. Un peu de sous-virage, un peu de survirage. En tout cas, il a réussi à le maîtriser et à conduire en fonction de son équilibre. Et puis, si on continue dans ce classement, on voit le problème, quoi. Oui. Après Nico Rosberg, donc, qui prend, un avantage déterminant, on va dire, peut-être pas décisif, mais déterminant. Psychologique, confiance, talent, mental, ça compte énormément. Tout à fait. Puis le compteur de victoire d'Hamilton est bloqué à 6, pour le moment, seulement, j'allais dire, alors qu'il est à 9 du côté de Nico Rosberg depuis cette nouvelle victoire. Donc Nico, 33 points d'avance après ce Grand Prix du Japon, faut-il le rappeler, à 4 points du terme de cette saison. Max Verstappen qui monte en puissance, qui vient au niveau du classement général provisoire à égalité avec Sébastien Vettel. C'est pas rien quand même, Un quadruple champion du monde chez Ferrari. Eh bien, le jeune, qui aurait parié là-dessus quand même? Le jeune Verstappen monte à son niveau, et puis c'est vraiment à la pointe de l'épée qu'il va chercher ses performances. Vettel qui ne termine que quatrième avec Raikkonen cinquième. Patrick, un mot ou plus si tu veux sur Ferrari, ça s'arrange pas du côté des rouges. Bien, c'est un grand dilemme et une grande tristesse quand ça ne fonctionne pas comme ça. C'est on les sent impuissants avec tout le poids de l'Italie derrière eux, les poids des médias, et ils perdent le plaisir d'être dans cette équipe. J'ai l'impression qu'ils ont la notion de satisfaction de conduire pour une Ferrari quand ça ne marche pas, elle doit disparaître un petit peu, et c'est assez surprenant d'ailleurs que ça se... Il ne faut pas se laisser entraîner dans la spirale infernale. Dans la spirale infernale. Oui, puis tu connais bien évidemment cette équipe, et pour cause, pour l'avoir fréquentée de l'intérieur, même si l'ambiance était forcément différente, les personnes différentes, mais bon, la Scuderia Ferrari, elle est unique au monde, on le sait bien, avec cette image internationale, ces tifosi que l'on retrouve absolument partout. Et puis Patrick, que dire de cette attaque, cette attaque d'Hamilton? Pas désespéré, mais presque, à la chicane, à l'amorce de la chicane, où Verstappen avait bien fermé la porte à l'extérieur, et il n'a eu d'autre solution, Hamilton, que de tirer tout droit. Moi, j'ai guetté Verstappen commettre l'erreur, commettre une faute. Bah, moi aussi. Je me suis dit, où est-ce qu'il va? Et je pense que Hamilton également, et que tous nos auditeurs aussi pensaient qu'il allait craquer, peut-être, sous la pression. Et ben non, il a tenu le jeune, qui a tenu la baraque. Le jeune, on va dire, prodige ou talentueux pilote. Il a vraiment tenu la baraque comme il faut. Il n'a pas commis la moindre faute, la moindre erreur. Et quand il a fallu, là, stratégiquement, se placer où il fallait, parce que Hamilton a ultimement été bien manœuvré, remonté. Ah oui, il a essayé l'intérieur puis l'extérieur, pour le prendre. Sur un freinage. Ouais. Et en plus, il avait l'adhérence, Bien sûr. En plus, il était sur l'adhérence. Ah, ça aussi, ça doit l'avoir mis un coup au moral à Hamilton, parce qu'effectivement, lui qui est un attaquant né, vraiment, qui est un des pilotes les plus rapides plateau. J'étais le plus rapide de la génération. Ça y est, il y en a un autre. Il y en a toujours un quelque part qui va surgir et qui va venir vous gâcher la partie. Ouais. Et puis de la frustration chez Vettel, à l'évidence, là aussi, parce que, effectivement, bon, on sait qu'on discute beaucoup en interne, on a mis la pression, Mauricio Arrivabene a mis la pression sur le quadruple champion du monde, et puis on arrive à rien faire, la monoplace ne permet pas de faire mieux. Vettel 4e, Raikkonen 5e, Ricciardo donc 6e, on peut pas en dire grand-chose pour le moment de Ricciardo, là, qui a un petit peu raté son départ, lui aussi, qui est pas parvenu à revenir. Et puis Patrick, derrière, deux doublettes, Perez et Hülkenberg avec les Force India, une stratégie décalée, différente, on finit en pneu médium. Et puis les deux Williams Mercedes de Massa et Bottas, voilà pour boucler les points. Patrick, là, ça va par deux à Suzuka. Et oui, Perez et Hülkenberg, pilotes qui s'en ressemblent et qui sont dans l'attente d'avoir la reconnaissance éventuelle d'un grand constructeur, d'une grande équipe, pour leur donner le volant qu'ils méritent, pour gagner, pour être en mesure d'envisager de gagner un championnat. Ça sera plutôt du côté de Verstappen qu'il va falloir regarder à l'avenir, parce que c'est clair. Avec les monoplaces que dessine notre ami Adrian Newey, c'est avec les motorisations qu'ils sont en train d'avoir, la réglementation l'année prochaine change beaucoup. Mais je pense qu'elle devrait convenir très très bien au style de pilotage de Verstappen. Et puis Patrick, évidemment, un grand prix solide de Romain Grosjean, même si parti 7e, il termine 11e à la porte des points, c'est toujours très frustrant, mais il a tenu son rang avec le matériel dont il disposait, la Haas Ferrari qui semble avoir retrouvé de la performance pour ce grand prix du Japon. Ben oui, quand on disait que les premières courses de la saison, ça coïncidait à quasiment une victoire pour cette jeune équipe qui débutait. Ils ont dérivé, ils ne savaient pas trop où. Ils se sont retrouvés là avec cette 11e place qui, elle aussi, à mon avis, représente comme un finish dans les points, même si ça ne s'est pas récompensé par un point. Donc ça va redonner de l'allant à Romain Grosjean qui en avait bien besoin parce que ça commençait à lui peser. Il pensait, quand il dit alors je n'étais pas devenu fou, ça veut dire qu'il était peut-être un petit peu en doute dans l'équipe. Et quand on a vu le team manager hier après la qualif, la satisfaction qu'il a eue d'avoir Romain et Guterres l'un derrière l'autre, ça voulait dire que ça y est, il commençait à être dans les grands. Impeccable. Merci beaucoup Patrick pour cette analyse toujours pointue, toujours fine de ce Grand Prix du Japon. En tout cas, peut-être un des tournants du championnat avec cette nouvelle victoire de Nico Rosberg qui porte son avance à 33 points sur Lewis Hamilton, seulement 3e aujourd'hui à Suzuka. Patrick, je te retrouve tout à l'heure dans Motors à partir de 13h. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Louis est parti évidemment à la chasse aux interviews. Dans un instant, vous le savez, vous allez retrouver votre auto avec Jean-Luc Porot et François Sorel. Mais avant, on va passer par les cases météo et info. Restez avec nous sur RMC, la radio de la Formule 1. Demain à 18h, RMC vous offre. Ouais, excuse-moi d'avoir moins tapé dans un ballon, mais toi un peu moins, excuse-moi. Christophe Dugarry. Et Christophe Dugarry vous offre. Merci d'être là dans le team du grand. Le meilleur du foot. Franck Leboeuf, Eric Dimeco, Manu Petit et Jérôme Rotel. C'est Team Dugas. Non mais vous êtes sérieux, je parle de la carrière. J'ai carré. Team Dugas, demain 18h-20h sur RMC. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. 35 ans, ça se fête. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. À la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Storr fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre a son grand âme dû consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Storr. Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Storr ou rendez-vous sur monsieurstore.com, voire conditions détaillées en magasin. Vous êtes sur RMC, il est 8h59 minutes. Nous venons de vivre le Grand Prix du Japon de Formule 1. La météo a été clémente là-bas. Est-ce qu'elle va l'être du côté de la France? Jérémy Souliman, bonjour. Heureux, bonjour Jean-Luc. Eh bien, globalement, oui, ça devrait être clément aujourd'hui. On va quand même retrouver des nuages et des brouillards ce matin sur une large moitié nord du pays. Un nuage qui devrait vite disparaître pour laisser place à de belles éclaircies en cours de journée, sauf le long des côtes de la Manche et dans l'est du pays où le temps devrait rester couvert. On pourrait même avoir quelques averses au cours de la journée localisée dans ce coin-là. À noter que sur les Alpes, ces quelques gouttes pourraient se transformer en flocons de neige et ce, dès 1600-1800 mètres d'altitude. Dans le sud et le sud-ouest, le soleil va encore briller aujourd'hui. Attention par contre, en Méditerranée, à ce Mistral et à cette tramontane toujours présent, les rafales pourraient atteindre les 70 km/h. Les températures, elles restent fraîches. Ce matin, il fait entre 3 et 7 degrés. Cet après-midi, on attend de 13 à 23 degrés. Il fera 13 degrés à Strasbourg, 14 à Lille, 15 à Brest et Lyon, 16 à Paris, 20 degrés à Marseille et 23 attendus à Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 16h15, rugby top 14, le choc, Clermont-Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. Vous êtes sur RMC, il est 9h pile. Tout de suite, les dernières informations en compagnie de Thomas Chupin. Rebonjour Thomas. Bonjour Jean-Luc. Le Premier ministre appelle à des sanctions exemplaires. L'enquête au lendemain de l'attaque de deux voitures de police en Essonne. Un policier est entre la vie et la mort ce matin. Donald Trump peut-il s'en relever? Propos sexistes, vulgaires même. Ce soir, il sera face à Hillary Clinton pour le deuxième débat de la présidentielle américaine. Et puis c'est une sorte de cartographie de la radicalisation en France. Ce matin, le journal du dimanche dévoile l'existence d'un tout nouveau dossier où sont regroupés les individus les plus dangereux. 9h01 sur RMC, bonjour à tous. Ils étaient une quinzaine, a priori. Qui sont ces individus qui, hier, s'attaquaient à deux voitures de police à Viry-Châtillon, en Essonne? Quatre policiers sont ce matin brûlés, deux grièvement. On apprenait il y a quelques minutes que pour l'un d'entre eux, le pronostic vital est engagé. Travail d'enquête qui a donc débuté hier. Travail compliqué pour notre spécialiste police-justice, Dominique Rizet. Soit la caméra de vidéosurveillance, de vidéoprotection va donner quelque chose, ce qui est assez peu probable parce qu'ils connaissent leur quartier, ils ont dû arriver par un endroit d'où ils ne pouvaient pas être filmés. Deuxièmement, il peut y avoir de la police scientifique, on pourrait espérer de la police scientifique, des traces sur les cocktails, de l'ADN. Troisième chose, et c'est sans doute le plus vraisemblable, eh bien, on connaît les petits délinquants du coin, ils ne sont pas venus de l'autre bout de la région parisienne, donc on va faire le tour. Après, il y a les silhouettes, les tenues vestimentaires. Et puis on peut aussi espérer qu'il soit balancé par quelqu'un qui serait impliqué dans un trafic, qui pourrait essayer de se dégager de là, balancerait des noms. Les précisions de Dominique Rizet, spécialiste police-justice pour RMC et BFM TV. Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari? Le deuxième débat de la présidentielle américaine prendra-t-il un petit peu plus de hauteur que cette phrase signée Donald Trump à l'encontre d'Hillary Clinton? Réponse ce soir, plus de 80 millions de téléspectateurs pour voir si le candidat républicain va pouvoir relever la tête après les polémiques des dernières heures, Philippe Gassot. Eh bien oui, Donald Trump, rattrapé par une vidéo vieille de plus de 10 ans, tente d'allumer des contre-feux, mais cela ne passe pas. Ses excuses à lui, qui considérait en 2005 que quand on est une star, eh bien, les femmes sont prêtes à tout, avec explication salace d'époque à la clé. Cela heurte ses adversaires, bien sûr, mais aussi ses alliés, à commencer par le vice-président désigné Mike Pence, qui rejette en bloc et se dit outré. Le gouverneur de l'Utah retire son soutien et Hollywood s'en mêle. Robert De Niro, en vidéo, vomit l'action de Donald Trump, c'est dire, et lui promet son poing. Hillary Clinton répète qu'on ne peut pas permettre à cet homme de devenir président. Cela ressemble à une halali. Voyons comment sera Donald Trump, dos au mur, pour le second débat. Philippe Gassot, le correspondant d'RMC aux États-Unis. L'ouragan Matthew, il a sérieusement perdu de sa puissance aujourd'hui, mais ces dernières heures, il a tué 11 personnes aux États-Unis, sur la côte est du pays. Mais là où l'inquiétude est la plus sérieuse, c'est bien sûr en Haïti. Près de 900 personnes tuées sur place et une île ravagée. 60 militaires français doivent arriver sur place d'ici les heures qui viennent. Mission principale, la gestion de l'eau potable. Gabriel Foisel est le chef du détachement de sécurité civique. Il fera le déplacement. L'idée, c'est arriver sur place, récupérer mon détachement, faire immédiatement des reconnaissances pour trouver de l'eau douce afin de pouvoir produire en sortie de chaîne de l'eau pour qu'on puisse boire, de l'eau potable. Donc je vais fournir de l'eau potable à hauteur globalement de au moins 500 mètres cubes d'eau par jour. On a tout un système qui me permet de pomper de l'eau pas propre. Alors je la fais rentrer dans différentes machines avec différents process. Bref, on est au standard OMS. Sortie de chaîne, je contrôle la pureté de mon eau. On a tout le problème après de livrer l'eau à la population. Gabriel Foisel avec Clément Fraioli. En Syrie, la ville d'Alep, loin, très loin d'être sauvée. Nouvel échec de la communauté internationale hier. Conseil de sécurité de l'ONU pour rien. Aucun texte de cessez-le-feu n'a pu être signé. Les enquêteurs suspectent des liens avec Daesh, mais surtout, ils ont mis la main hier sur des explosifs très dangereux. Vaste chasse à l'homme en Allemagne, donc depuis hier, elle a commencé quand les enquêteurs ont trouvé chez un réfugié syrien de quoi commettre un attentat. Adeline Percept, les services allemands sont pour le moins très inquiets. Selon une source policière citée par l'agence de presse allemande, le suspect a un lien avec Daesh, sans plus de précision pour l'instant. Le portrait du jeune Syrien Yaber Al-Bakr est diffusé par tous les médias allemands. La police ne sait pas si dans sa fuite, il porte des armes sur lui et appelle chacun à la plus grande vigilance. Hier, dans son appartement de Chemnitz, au sud-est du pays, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs centaines de grammes d'explosifs puissants, plus dangereux que le TNT, une quantité suffisante pour perpétrer un attentat d'envergure. Quelle était la cible de cet attentat? La police ne communique pas sur cette question. La sécurité a été renforcée dans toutes les gares et les aéroports de Berlin notamment. Adeline Percept, la correspondante d'RMC en Allemagne. Le terrorisme en France, et c'est un fichier ultra sensible, une base de données jusqu'ici inconnue du grand public. Dessus, on y retrouve 15 000 noms, 15 000 individus radicalisés a priori selon les services de police français les plus dangereux. Fichier dévoilé ce matin dans le journal du dimanche. Anaïs Sens, fichier devenu le principal outil entre les mains des services antiterroristes. Oui, parce qu'il va beaucoup plus loin que les fameuses fiches S. D'abord, il figure tout ou presque des données personnelles les plus basiques aux antécédents psychiatriques en passant par les connexions avec les milieux djihadistes. Et puis le moindre signalement est aujourd'hui pris très au sérieux. Ce fichier est donc alimenté entre autres par les appels reçus à la plateforme de signalement du ministère de l'Intérieur. Une soixantaine en moyenne par jour, la moitié provenant de familles non musulmanes. Autre chiffre dévoilé par le JDD, 4000, c'est le nombre de radicalisés en France susceptibles de passer à l'acte. Parmi eux, 205 reviennent de la zone irako-syrienne. Des données qui permettent même de dresser une carte de France de la radicalisation, même si aucun département n'est épargné. 5 foyers principaux sont à distinguer, tous en zone périurbaine de villes comme Paris, Lyon, Lille, Marseille ou Nice. Les précisions directes ce matin d'Anaïs Sens, la politique et Alain Juppé qui creusent l'écart selon Odoxa pour France. France 2 ce matin au premier tour de la primaire, il obtiendrait 39% des suffrages, quand Nicolas Sarkozy est à 31%. Comment élever ses enfants de la meilleure des manières et surtout comment ne pas se sentir largué face au comportement de nos adolescents? C'est tout l'objet d'un salon Nouvelle Formule, porte de la Villette à Paris, le salon de l'étudiant spécial parents, des ateliers pour apprendre à négocier avec ses enfants et oui, d'autres ateliers où les parents viennent chercher des réponses face aux addictions dont souffrent leurs ados, Pauline Baduel. Catherine est venue seule pour avoir des réponses. Elle n'arrive plus à communiquer avec son fils. Je suis venue toute seule parce qu'il n'a pas voulu m'accompagner, mais bon, j'en profite. Il demande de plus en plus de liberté à sortir, écouter de la musique, aller dans les concerts, alors voilà. Un quart des 18-25 ans ont connu l'ivresse, au moins une fois dans l'année. Le phénomène existe, mais pas question de dramatiser pour Olivier Fan, addictologue. Les soirées festives ont toujours existé et on n'est pas là pour les interdire. La question, c'est de savoir un petit peu quelles sont les règles d'échange entre les parents et les enfants. La vigilance parentale doit être ni trop contraignante, mais je dirais aussi attentive. Après une heure de conseil, Luc a compris, il doit se servir de sa propre expérience et être plus compréhensif. Là, il arrive à 16 ans et je me dis, faut savoir dire non, ça c'est pas simple, et s'arrêter. Et ça, je peux le dire parce que je l'ai fait et donc ça sera assez facile. En France, plus de 400 centres de consultation gratuites accueillent chaque jour les parents et leurs enfants en cas d'addiction. Le reportage de Pauline Baduel, 9h08 sur RMC. Demain soir, ce sont les deux favoris du groupe qui s'affrontent. Le football, Pays-Bas à France, c'est une place de leader du groupe donc qui se joue pour les Bleus. Affrontement crucial mais non rédhibitoire pour le milieu Moussa Sissoko. Est-ce que ça va être une finale lundi? Non, je pense pas. Ça va être un match important comme tous les matchs. Je pense que l'équipe qui arrive à gagner ben fera un bon pas en avant. Mais après, voilà, il restera encore pas mal de matchs et tout sera encore jouable. On sait que ça va être un match compliqué là-bas. Mais encore une fois, on a une équipe capable de pouvoir rivaliser face aux Hollandais. Mais voilà, ce match-là de lundi sera très important pour la suite de l'aventure. Le rugby, 8e journée de top 14 ce week-end sur RMC, des victoires hier pour le Racing, pour Bordeaux-Bègles, pour Grenoble et pour Montpellier. Match nul entre La Rochelle et Toulon. Aujourd'hui en clôture, Clermont reçoit Toulouse. Le cyclisme, ce dimanche, Paris-Tours, dernière grande course de la saison avant les championnats du monde. Dans une semaine, ce sera à Doha, au Qatar. Paris-Tours, une répétition pour les Bleus. Nasser Bouani, le sprinter, répond. Un parcours relativement plat et Doha c'est plat, donc on peut dire que c'est une répétition. Après je pense que ce sera quand même moins nerveux qu'un championnat du monde. Moi j'espère juste qu'il y aura un sprint massif et être bien pour aller jouer la gagne. Je prends pas le départ pour me dire que je suis en préparation, c'est pour essayer d'aller la gagner et mettre toutes les chances de mon côté pour passer la ligne le premier. Et puis du surf pour terminer ce journal. Du surf parce que l'élite de la discipline est à Osgore dans les Landes tout le week-end. Étape du championnat du monde, l'occasion pour le circuit de préparer notamment les JO. Parce que oui, le surf sera olympique en 2020, Nicolas Paul Orsi. Oui, et cette nouvelle n'a fait que des heureux chez les surfeurs. Le français Jérémy Flores est sur le tour mondial depuis plus de 9 ans. Ça va montrer notre sport magique un peu partout dans le monde. Alain Rioux est le directeur de compétition à Osgore. Et même si les détails quant à l'organisation de l'épreuve olympique sont encore flous, il se félicite de cette nouvelle. C'est quelque chose de génial. On ne sait pas encore comment ça va se passer exactement, qui va l'organiser, parce qu'il y a deux fédérations qui peuvent gérer ça. Certains jeunes sportifs y voient même une occasion en or pour développer la discipline. Leonardo Fioravanti, italien de 18 ans, et tombeur de la légende Kelly Slater dans les Landes, se projette déjà sur l'événement. Juste rêver d'avoir une médaille d'or, ça sera incroyable, et même de marcher à côté des stars comme Usain Bolt ou plein d'autres super sportifs, ça va être une très belle expérience. Un rêve pour les sportifs qui comptent bien surfer sur la vague de ce nouvel engouement autour de leur discipline. Le reportage de Nicolas Paul Orsi. Et avant de retrouver votre auto, de retrouver Jean-Luc Moreau et François Sorel, on fait un point sur les courses. Les courses avec le quintet qui se court à Auteuil cet après-midi. Les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras vous propose le 4 Vicky du Reponnet et le 7 Télémoni. Brahim Asloum jouera le 5 Brise de Mer et Laurent Guédard jouera le 11 Briaré et le 10 Vapalo. Le 4, le 7, le 5, le 11 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec RMC, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Mayday, mayday, ici Deepwater Horizon. Revivez l'incroyable histoire vraie du plus grand désastre pétrolier de tous les temps. Il faut qu'on aille au canot de sauvetage tout de suite. Préparez-vous au film catastrophe de l'année par le réalisateur d'Hancock et Battleship. Il faut qu'on sorte de là. Retrouvez Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell et Dylan O'Brien dans leur combat pour survivre. Deepwater, au cinéma le 12 octobre. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions? Oui, Catherine? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. RMC, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Et merci d'être avec nous sur RMC. Et après ce Grand Prix du Japon que vous avez pu suivre en direct en intégralité sur RMC, après la F1, place à l'automobile, un petit peu plus cool, mais ô combien passionnante. C'est le week-end des experts, c'est l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Monsieur Moreau, Jean-Luc, après bonjour. Le Grand Prix du Japon, de la voiture débridée avec le salon de Paris. Bravo, voilà, magnifique, ouais, accent. Impeccable. Pas hein, caricatural en plus, c'est formidable. Pas du tout, bonjour Monsieur tout. François. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont encore là, on les remercie. Ben voilà, merci d'être encore là. Jean-Luc, on va passer une heure ensemble. Alors, en plus, c'est une heure importante parce que on est au cœur de ce mondial de l'auto qui se déroule en ce moment à Paris, porte de Versailles, et on va dédier cette heure au mondial de l'auto, forcément. Oui, on va aller visiter. On va continuer notre visite qu'on a entamée il y a déjà il y a deux semaines, puisqu'on avait évoqué les grands événements qui auraient lieu au Mondial il y a deux semaines. La semaine passée, on a commencé notre visite, on a fait le hall 1, et là, on va faire la suite, bien évidemment. D'accord. Alors la suite, mais pas que, parce qu'on aura aussi avec nous Thierry Hess, qui est l'ancien commissaire général du Salon, qui est resté 25 ans aux manettes du Mondial de Paris. Qu'on a qui vient reçu de sortir plusieurs fois un livre, ici. Hein. Voilà, qu'on a reçu de maintes et maintes fois, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Mémoire de Salon, avec plein d'anecdotes sur ses 25 années. Vous allez voir, il y en a deux, trois assez croustillantes, qu'on vous racontera tout à l'heure. Et puis ça sera aussi l'occasion de lui demander ce qu'il pense de cette édition 2016 par rapport à ce qu'il a vécu auparavant. Est-ce que le Mondial de l'automobile va rester le plus grand salon automobile du monde? Réponse la semaine prochaine. J'ai peur malheureusement que ce ne soit pas le cas. Bon, écoutez, on va tout à l'heure retrouver Lionel Robert, Thierry Hess, mais on va commencer par Stanislas Laroumé, avec qui on va faire une petite visite oui, encore de ce Mondial. Oui, exactement. Voilà. Bonjour monsieur Stanislas. Bonjour MC. Bonjour voilà. Stanislas, journaliste à Automoto. Hein, donc vous évidemment. Avez usé vous aussi une paire de chaussures dans les allées du Mondial. Et Stanislas, qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce que vous emmèneriez voir si on était vos amis, par exemple, François et moi? Bon, c'est une hypothèse. Hein. Vous nous emmèneriez voir quoi? Ce qui est un peu dommage dans ce Mondial, je trouve que l'ambiance n'est pas terrible. Je trouve que l'absence de grands constructeurs majeurs comme Ford, Volvo ou Mazda, eh bien, ça participe pas à l'effervescence du salon. Après, moi, j'explique. Alors, je veux pas faire de politique, mais j'explique par Paris, qui est une ville qui est devenue très très autophobe, et puis la France, qui est un pays où on fait pas grand chose pour promouvoir l'automobile, en tout cas l'automobile de qualité. Et je pense que Genève est en train de grignoter de grosses parts de marché au Mondial de Paris. Ouais. Mais bon, c'est un détail. Il y avait quand même de jolies choses. Et moi, il y en a une que j'ai vraiment adorée. Alors, je suis pas le seul, évidemment. C'est le concept Maybach Mercedes. Vous savez, la voiture de Tex Avery avec un capot. C'est la voiture tout droit sortie de Tex Avery. Ça s'appelle la Vision Mercedes Maybach 6. Alors 6, c'est parce qu'elle mesurait presque 6 mètres de long. Ouais, 5,70 mètres, c'est ça. 5,70 mètres. Et on imagine au volant le loup, vous savez, qui bave tout le temps, qui a la langue pendue devant la pulpeuse pin-up en jupe des dessins animés de Tex Avery. Et surtout, on imagine aussi un gros V12 ou un gros V8 turbo comme Mercedes sait très bien les faire. Ouais. Eh bien non, figurez-vous. C'est un moteur électrique de 750 chevaux quand même qui promet 500 km d'autonomie. Donc c'est pas mal, mais évidemment, c'est un délire. Ouais, ça, c'est du rêve. C'est du rêve, même si, quelque part, c'est vrai que les gens Mercedes laissent planer le doute. Alors là, et ils disent clairement, c'est un chocard. On n'est même pas dans le concept. Hein. C'est pour faire le spectacle. La voiture a d'ailleurs été exposée à Pebble Beach, au concours d'élégance internationale au mois d'août. Elle a peut-être gagné, d'ailleurs. Elle a gagné. Elle était ensuite exposée à Chantilly aussi, un concours d'élégance. Dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Elle est au Mondial de l'Auto et c'est vrai qu'il y a du monde autour parce qu'elle est vraiment, extravagante pratiquement, on peut dire, cette voiture. Elle reprend le style de ce qu'on appelait les streamliners d'avant-guerre, donc ces voitures aérodynamiques d'une longueur démesurée. Voilà, là vous imaginez 1m32. Ouais, vous imaginez une voiture de presque 6 mètres de long avec simplement deux places. c'est formidable. Bah ouais. Mais je trouve que c'est ça qui fait du bien et qu'il y a des constructeurs. Alors c'est étonnant de la part de... Enfin, c'est pas très étonnant d'ailleurs de la part de Mercedes, parce que c'est peut-être le seul au mondial à avoir osé faire un truc aussi extravagant. Renault avec le Trésor est pas mal non plus. C'est un peu dans la même veine d'ailleurs. C'est un peu une mébarre, un peu raccourcie, voilà, à taille un peu plus humaine, mais pareil, hein, un peu plus d'un mètre de haut pour la Renault et presque 2,20 mètres de large. Donc, vous voyez des proportions. Et pour des véhicules électriques, qui plus est, c'est-à-dire on a des capots immenses, mais il y a rien dessous, quoi. C'est un coffre, voilà, c'est ça. Il faut bien mettre des batteries, mais bon, elles sont peut-être ailleurs. Ça, c'est clair. Alors, de façon un peu plus terre-à-terre, qu'est-ce qui vous a marqué, Stan, lors de ce mondial? Il n'y a rien qui m'a franchement marqué, mais j'ai trouvé que la démarche de Peugeot de présenter un 5008 radicalement différent de celui qui remplace, c'est pas mal. En gros, moi, j'ai l'impression que chez PSA, la stratégie est assez simple, c'est qu'ils laissent les vulgaires monospaces, entre guillemets, évidemment, à Citroën, avec les Picasso et Grand Picasso, et C3 Picasso aussi, et puis les élégants breaks et crossovers, ou dit SUV, à Peugeot avec les 3008 et 5008. Donc le 5008, c'est plus un monospace comme avant, mais c'est devenu, comme ils le disent, un crossover, comme l'espace de chez Renault d'ailleurs. Mais ça permet toujours d'embarquer 7 personnes. C'est plus élégant que l'ancien. Alors après, je sais pas si ça va séduire les familles entre guillemets bourgeoises aussi, qui aimaient beaucoup le 5008 pour sa discrétion. Moi, je connais des propriétaires de l'ancien 5008 qui sont ravis de l'arrivée du nouveau 5008. Et même quelqu'un qui travaille chez Peugeot qui m'a dit « Enfin, ça me fait plaisir, je vais rouler avec autre chose qu'une camionnette. » Voilà. Donc ça veut tout dire. Et le fait est, et d'ailleurs, alors, on a déjà abondamment parlé du 3008 et du 5008, mais à mon avis, c'est vraiment le couple de ce mondial de l'auto. C'est d'abord un constructeur français, c'est Peugeot. Et surtout, c'est pas simplement une évolution, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont sur le salon. Si vous n'êtes pas un spécialiste, vous pouvez passer à côté sans vous rendre compte que c'est un nouveau modèle. Ah oui, c'est ça qui est terrible. Ouais. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a plein de marques qui ne sont pas remarquables, voilà, entre guillemets. Par exemple, chez Audi, le nouveau Q5, si vous n'êtes pas... C'est un gros restylage de l'ancien. Voilà. Et pourtant, c'est une voiture totalement neuve. Ah, voyez, nouvelle plateforme, nouveau moteur, tout est nouveau. C'est ça. Et vous avez des constructeurs qui, comme ça, vous proposent des voitures 100% nouvelles, mais qui, en voulant garder les gènes de l'ancien modèle, n'évoluent pas suffisamment. Chez Peugeot, ils ont cassé le moule et ils ont refait quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qu'il faut saluer. Mais sauf que Peugeot, en ce moment, a vraiment le vent en poupe. Et d'une manière générale, PSA, parce que même le stand Citroën, c'était très agréable de s'y balader. Des couleurs très vives, etc. La C-Experience, c'est une voiture intéressante aussi. Et la C3, je la trouve très mignonne. C'est PSA, le stand le plus gay. Il y a vraiment quelque chose qui se passe chez PSA. C'est plutôt agréable. Bon. Alors sinon, dans les autres halls, parce que là, dans le hall 1, dans les autres halls, qu'est-ce qui vous a branché? Parce que même s'il manquait des constructeurs, il y avait quand même pas mal de halls à visiter. Et bien moi, je contrairement à pas mal de Français, je suis très 4x4. Et j'adorais l'ancien Discovery, le Discovery 4 tout carré. Une espèce de voiture, on aurait dit une commande car, vous savez, il fallait mettre un képi et puis on allait amener les troupes au front. Eh bien, là, maintenant, ça a changé. Le nouveau Discovery, donc la 5e génération, c'est un style beaucoup plus SUV, donc tout en rondeur, plus doux. Hein. Ils disent chez Land Rover, c'est plus doux. Mais ça reste aussi une vraie alternative au grand monospace, puisqu'il y a toujours 7 places. Bon, dans 4,97 m quand même. Hein. On parlait des 5,70 m de la Maybach, mais 4,97 m, c'est pas une petite voiture. Et alors, ce qui est génial, on a fait la démonstration en vidéo. Vous pourrez la voir sur le site automoto.com, c'est les sièges, les 5 sièges arrière qui s'abattent et qui se déplient et se replient électriquement, mais sans rien faire du tout, c'est-à-dire du tableau de bord, et même mieux, on peut le faire avec une application depuis son smartphone ou sa tablette. Donc imaginez, vous êtes chez votre grande-tante qui vous dit « Ah, débarrasse-moi de ce buffet, je n'en peux plus, mais zut, mes sièges ne sont pas rabattus », et là, du balcon, vous rabattez les sièges et hop, vous n'avez plus qu'à la charger sans la poser par terre. Ouais, on voit le progrès qui a été fait depuis l'époque où la modularité se faisait en ôtant des sièges qui parfois pesaient un âne mort. Il y avait des sièges qui faisaient entre 15 et 20 kilos. Mais c'est le premier espace, notamment. Bah voilà, le premier espace. Et il fallait en retirer les sièges et puis, bah, une fois qu'ils étaient retirés, malheureusement, c'est vrai que on était obligé de les laisser à un endroit et on se retrouvait avec une voiture deux places avec beaucoup de place derrière, sans qu'on n'avait plus le buffet de la grand-mère à transporter, bah, on pouvait pas transporter des passagers pour autant. Alors que là, maintenant, on peut faire les. C'est vrai. Bon, ouais. quoi d'autre sinon, Stanislas? Oh, ben moi, je regrettais aussi parce qu'on aime. Ce qui est dommage, c'est dans ces salons, c'est de voir des très belles voitures. Et là, ben, il y a malheureusement, je revenais à ce que je disais au début, il n'y a pas McLaren, pas Bentley, pas Rolls-Royce, pas Aston Martin, pas Bugatti. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un coût du stand au Mondial qui est peut-être un peu trop élevé. Alors je sais pas combien ça coûte à Genève, mais j'ai eu un chiffre apparemment, je sais pas s'il faudrait le vérifier, mais un stand coûterait entre 2 et 5 millions d'euros, ce que je trouve absolument colossal, évidemment. Et c'est vrai que certains constructeurs peuvent se poser la question en se disant, mais à ce prix-là, je me paye une belle campagne de pub télé, par exemple. Bah, certains se la sont posée, d'ailleurs, cette question. Ah, oui, ils ont surtout répondu qu'ils ne seraient pas là. Bah, voilà. C'est ça. Voilà. Stanislas, on revient dans un instant sur RMC. Petite pause. Ah, on va faire un tour au salon et on revient. Voilà, c'est ça. À tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts. On est au Mondial de l'Auto jusqu'à 10h sur RMC. À tout de suite. RMC. Votre tour. Dès demain, dans le Super Moscato Show de 16h à 18h, RMC vous offre vos vacances en famille. Montagne, farniente, soleil ou plage, 58 destinations. C'est vous qui choisissez. Vos vacances en famille, ça se gagne uniquement sur RMC. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent la semaine prochaine chez Intermarché. Ça ne s'arrête plus. Jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, 70%. Et il vous reste encore 2 semaines pour tenter de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Si vous essayez de vous garer depuis une heure et que dans votre tête, ça fait... C'est que vous conduisez Citroën C4 à partir de 175€ par mois sans condition avec le pack Smile & Go. Entretien garanti et assistance inclus. Et pendant le Mondial de l'Automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Location longue durée 36 mois à 30 000 km après un premier loyer de 2100€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts, et c'est l'automobile. Le Mondial de l'Auto qu'on vous fait visiter, bien sûr. On est au cœur de ce grand rendez-vous. Tous les deux ans, ici à Paris, porte de Versailles. Que faut-il retenir de ce Mondial de l'Auto? On voit ça avec Jean-Luc Moreau et puis Stanislas Laroumet du magazine Automoto. On était juste avant la pause réclame en train de parler de ces marques de luxe qui sont absentes malheureusement du Mondial de l'Automobile. Alors il y a une autre marque qui plus est française, celle-là qui est absente et ça se remarque un petit peu, c'est Alpine, puisque normalement, vous savez que Renault a relancé la marque Alpine, il y a un modèle qui est prêt et c'est un choix délibéré de ne pas présenter cette voiture au Mondial de l'Auto à Paris. Stanislas, est-ce qu'on sait pourquoi? Moi surtout, j'aurais bien aimé la voir parce que à part aller au Mans en prologue des 24 heures, hein, je crois que c'est là qu'elle a été présentée pour la première fois, enfin, c'était un concept. Non, je pense que Alpine, moi, cherche à faire des petits événements pour une petite marque avec des petites ambitions. Donc, et pour toucher ses clients directs, parce que ouais, en fait, moi, j'ai le sentiment que les marques de luxe ne viennent plus à Paris parce que la France est pas un pays qui est très attrayant pour ces marques-là. Mais c'est exactement ce que je disais au début, c'est qu'ils préfèrent évidemment des salons comme Shanghai, Pékin, vous savez que alternativement comme Francfort et Paris, des salons où, enfin des pays où on achète beaucoup de voitures de luxe, Genève évidemment, Francfort un petit peu moins mais quand même aussi, et puis des salons américains comme Los Angeles ou New York, et donc Paris est délaissé. La France c'est malheureusement un peu le pays du, c'est affreux à dire mais ça change, mais du pays du monospace diesel quoi, donc on n'est pas le pays de la belle bagnole qui est utile. Et pourtant les Français aiment encore l'automobile, hein. Tous les sondages récents démontrent que les Français aiment encore la voiture. Que ça peut encore les faire rêver, mais il y a une différence, il y a un décalage entre les aspirations du peuple français et les décisions de stratégies des constructeurs. Chez nous, c'est mal vu d'avoir une belle auto, alors que dans plein de pays, avoir une belle voiture, c'est un signe de réussite. On est fiers d'avoir une belle voiture. Chez nous, c'est tout juste, il faut pas se cacher quand on a une belle auto. Bah ouais. Ouais, c'est ça qui, à mon avis, à terme, risque de peut-être pas tuer le salon de l'auto à Paris. C'est clair que ça me paraît pas possible, mais fera que l'événement parisien aura au fil des ans de moins en moins d'importance. D'ailleurs, on le voit, il y a une baisse de fréquentation depuis quelques années, et j'ai peur que cette année, on soit encore un petit peu en dessous des chiffres d'il y a deux ans. Malheureusement. On posera la question d'ailleurs à Thierry Hess tout à l'heure, qui est l'ancien commissaire général du salon, qui nous dira quelles étaient les grandes années du mondial de l'auto à Paris. Est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu du Q5? Allez-y. Stanislas, vous m'entendez ou pas? Oui. Vous savez quoi? Il faut qu'on fasse une pause. Encore. Eh ben oui. Parce que François, il s'essouffle facilement. Non, mais vous savez, avec le salaire monstrueux de Jean-Luc Moreau, il faut qu'on s'arrête souvent pour avoir de la pub. Ah oui, donc, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on va payer son salaire monstrueux. Et on revient juste après la météo, les infos. D'accord? D'accord, parfait. À tout de suite, c'était RMC. Et on visite le mondial de l'auto avec Jean-Luc et Stanislas. À tout de suite. RMC, votre tour. Découvrons Samy Jean-Fédéton qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. 35 ans, ça se fait. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. C'est l'heure de la météo sur RMC. La météo, c'est avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Encore quelques nuages et des brouillards ce matin sur une large moitié nord du pays. Un nuage qui devrait vite disparaître pour laisser place à de belles éclaircies en cours de journée. Sauf le long des côtes de la Manche et dans l'est du pays où le temps devrait rester couvert et où l'on pourrait avoir quelques averses au cours de cette journée. Dans les Alpes, ces gouttes pourraient également se transformer en flocons de neige et ce, dès 1600-1800 mètres d'altitude. Dans le sud et le sud-ouest, le soleil par contre va briller encore pas mal aujourd'hui. Attention par contre en Méditerranée à ce Mistral et à cette tramontane toujours présent, les rafales pourraient atteindre localement les 70 km/h. Les températures, elles, restent fraîches ce matin. Il fait entre 3 et 7 degrés. Cet après-midi, on attend de 13 à 23 degrés. Il fera notamment 13 degrés à Strasbourg, 14 à Lille, 15 à Brest et Lyon, 16 à Paris, 20 à Marseille et la maximale attendue à Ajaccio en Corse avec 23 degrés. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. RMC 9h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Thomas, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Quatre policiers brûlés, deux d'entre eux sont ce matin dans un état grave. Le pronostic vital de l'un d'eux est même engagé. Attaque au cocktail Molotov hier en Essonne, à Viry-Châtillon, proche du quartier sensible de la Grande Borne. Les policiers attaqués parce qu'ils surveillaient un point de passage pour les trafiquants de stupéfiants. À Nantes, violence sordide également, mais sans explication pour le moment. Romain Barré, 38 ans, était porté disparu depuis 10 jours. Hier, 5 suspects étaient entendu, ils auraient avoué avoir étranglé l'agent immobilier puis avoir jeté son corps dans la Loire. La politique et Alain Juppé qui creuse l'écart selon Odoxa pour France 2 ce matin. Au premier tour de la primaire, il obtiendrait 39% des suffrages quand Nicolas Sarkozy est à 31%. Aux États-Unis, la campagne présidentielle et Donald Trump qui promet d'aller jusqu'au bout, scandale ou pas, il ne se retirera pas de la course. Prochain rendez-vous ce soir, deuxième débat télévisé face à Hillary Clinton au lendemain de la diffusion de vidéos où Donald Trump profère des obscénités au sujet des femmes. Les États-Unis qui réfléchissent à la suite de leur coopération avec l'Arabie Saoudite. Il s'agit là du conflit au Yémen. La coalition menée par Riyad aurait mené des raids aériens hier soir, raids qui auraient tué au moins 140 personnes dans la capitale yéménite, Sanaa. En Syrie, la ville d'Alep, loin, très loin d'être sauvée. Nouvel échec de la communauté internationale. Hier, Conseil de sécurité de l'ONU pour rien. Aucun texte de cessez-le-feu n'a pu être signé. Les sports et le rugby, 8e journée de top 14 ce week-end. Des victoires hier pour le Racing, pour Bordeaux-Bègles, pour Grenoble et pour Montpellier aujourd'hui. En clôture, Clermont reçoit Toulouse. Et puis, la Formule 1, Nico Rosberg a remporté ce matin le Grand Prix du Japon à Suzuka. Grand Prix que vous avez suivi, évidemment, en intégralité sur RMC. 9h32 sur RMC. Vous êtes avec Jean-Luc Moreau et François Sorel. Votre tour. 32-16 touche 1. Réagissez en direct sur RMC. Attention, Jean-Luc Moreau, c'est une question flash. Mais attention, c'est une question flash premium. Ah, bon. Parce que la question de Marc, oui, véritablement, ne s'adresse pas à tous les auditeurs. Marc, qui nous dit ceci, j'aimerais avoir votre avis sur le choix d'un SUV. Jean-Luc, j'hésite entre la Jaguar F-Pace, la, comment on dit, Macan Porsche? Porsche Macan, oui. Porsche Macan, ou l'Infiniti QX70 ou le Grand Cherokee. Ah bah oui, bah donc il hésite à partir de 55 000 euros, 60 000 euros. Et puis il hésite entre l'essence ou le diesel. Ah, plus. Ouais. Alors, à ce niveau de gamme, c'est pas ridicule, même si on roule pas beaucoup, de prendre un modèle diesel. Pourquoi? Parce que les modèles diesel ont des consommations qui restent raisonnables. D'accord. Même lorsqu'on roule sur autoroute. Après, si vous prenez les moteurs, les gros moteurs essence à compresseur, Aïe. Ouais, bon, vous me direz quand on a les moyens de mettre 60 000 voire 80 000 euros dans un véhicule de cette gamme, en général on mégote pas trop sur l'essence. Mais enfin le diesel peut avoir du sens quand même. Alors le plus sport de tout ce qu'on a cité, c'est le Porsche Macan, disponible avec un V6 diesel 3 litres de 258 chevaux, accessible dès 63 155 euros. Hein. Ça va. Ça va. Sauf que si vous voulez l'équiper un peu, à mon avis, c'est plus 75 000, voyez. Alors, après, l'Infiniti QX70, il est beau. Il a un grand nez, façon comme ce qu'on évoquait, un peu voiture de Tex Avery, mais il date un peu, il n'est pas très habitable, et il a un petit coffre. Et c'est gênant pour une voiture qui fait quand même 4,87 m de long, qui est quand même un beau bébé. Le Jaguar, moi j'aime bien. Le F-Pace, franchement, je le trouve beau. Alors, le moteur de bas de gamme 2 litres diesel, j'aime pas. Par contre, après, le 3 litres diesel, super. Et le 3 litres essence à compresseur, un bruit magnifique. Bon, 81 000 euros. Alors, ça va, d'accord. Si vous l'aurez, en revanche, écolo, le Grand Cherokee avec le moteur V6 Flexifuel, à 58 100 euros, il est écolo. En plus, bon, c'est bon, on a tous les tarifs là. Et on va prendre les, comment on appelle ça, les petits catalogues, et après on est bon. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts, l'automobile sur RMC. Nous sommes là jusqu'à 10h avec Jean-Luc Moreau et on vous fait visiter, découvrir le mondial de l'auto qui se déroule actuellement à Paris, porte de Versailles, avec Stanislas Laroumé, donc de Tomoto.com. Avec Stanislas, on va s'intéresser quand même à Audi maintenant. On va s'intéresser à l'Audi Q5. Alors, on en a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez, avec Didier Laurent, qui disait sur Google, le plus d'interrogations, c'est sur l'Audi Q5. Il arrive en tête juste devant le Peugeot 3008. Donc, ça veut dire que ce Q5 intéresse. Bon, alors, est-ce que réellement tous les gens qui prennent des renseignements sur Internet vont l'acheter, c'est pas certain, parce que le prix de base tourne autour des 40 000 euros, c'est ça, Stanislas, à peu près? Alors, Alors exactement. Je peux revenir sur une chose, c'est que vous avez dit automoto.com, il ne faut pas oublier qu'on a un magasin. Oui, aussi, oui bien sûr. On le trouve en kiosque. Et, évidemment, mais vous êtes... C'est formidable. Comme donc, on dit, oui, vous non, êtes d'immédiat maintenant. Le Q5, ça va démarrer à 40 750 euros exactement. Je dis ça va démarrer parce que la version de base à ce prix-là, qui est assez alléchante pour une Audi, d'ailleurs pour une grosse Audi, eh bien c'est le 2 litres TDI 150 chevaux traction boîte manuelle qui n'arrivera qu'en avril, alors que les autres versions seront commercialisées tout début 2017, moi je pense en février, et elles seront plus chères évidemment. Alors ce Q5, bon ben, il a une particularité, c'est qu'il ressemble à l'ancien Q5, et pourtant tout est nouveau. Tout est absolument nouveau. Tout est nouveau, à part évidemment la banque d'organes de motorisation qui provient des autres Audi, notamment du Q7 et de la 5, qui sont aussi très récents tous les deux. La plateforme, c'est pareil, c'est la même hein, que Q7 à 5 à 4, c'est la MLB Evo, donc qui permet évidemment d'avoir des versions hybrides rechargeables, donc ça c'est pas pour tout de suite. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait 4,66 m, qui grandit de 3 cm par rapport à l'ancien, donc même le gabarit a été totalement respecté. Ouais. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il est fabriqué au Mexique. Hola, exactement. Il est fabriqué au Mexique pour la simple et bonne raison, c'est que le Q5 représente 25% des immatriculations d'Audi aux États-Unis, donc c'est l'Audi la plus vendue aux États-Unis, et le Mexique, eh ben, c'est quand même pas très loin des États-Unis, donc coûte moins cher les envoyer d'Amérique centrale, ou je sais plus si c'est Amérique centrale ou Amérique du Nord, le Mexique, que d'Ingolstadt en Allemagne. Donc nos Q5 arriveront aussi du Mexique, et nous on va l'essayer le 18 novembre exactement, et aux États-Unis aussi. D'accord. Et voilà. Vous reviendrez avec un sombrero, un peu comme François qui est un sombrero aussi dans son... Ouais, c'est pas joli joli, hein, Stanislav. C'est moi qui porte le chapeau. Non, mais c'est ça. Je pense qu'on va le passer en bénévole. Et les versions. Mieux. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de versions hybrides rechargeables. Alors, il y a une particularité. Il y aura de l'hybride rechargeable essence et il y aura aussi de l'hybride rechargeable diesel. C'est ça sur ce véhicule-là. Ah, sur le Q5, sur le Q7, oui, c'est de l'hybride rechargeable diesel, mais sur le Q5, pour je sais pas, pour l'instant, pour moi, ce sera de l'hybride rechargeable essence, oui. Mais je sais que par exemple pour les versions sportives SQ5, comme l'actuel, ils prévoient de faire une version sportive essence, donc pour les pays comme les États-Unis et la Chine. Et version diesel, comme chez nous, où c'était un SQ5 diesel avec un V6 3 litres TDI, qui devrait faire au moins 340, 350 chevaux. Ouais. Donc, ça veut dire que quand on est en train, c'est très rigolo, hein, ce qu'on évoquait déjà depuis les semaines passées. C'est ce salon est vraiment fait le grand écart entre, d'un côté, les SUV qui représentent l'essentiel des nouveautés commercialisables, et de l'autre côté, les véhicules électriques. Alors, soit des concept cars, parce que pratiquement tous les concept cars sont à propulsion électrique, et puis des véhicules de série électrique. Alors, un petit peu plus standard, mais qui progressent quand même pas mal, comme l'Ampera i dont on a parlé, qui va offrir 400 km d'autonomie. Et... On espère qu'elle aura enfin un succès commercial, cette voiture, parce que la précédente, c'était pas fabuleux. C'est dommage. Parce et pourtant, que c'était que une voiture extraordinaire à conduire, en plus. Hein. C'était vraiment... Moi, j'ai trouvé que l'Ampera, c'était vraiment... Donc, c'est l'Opel, c'est Opel hein, qui fait c'est ça. Opel, hein. C'est Opel. L'Ampera et Chevrolet, parce qu'il y aura une Volt, je pense aussi. Chevrolet n'existant plus chez nous, mais il devrait y avoir une Volt aux États-Unis. D'accord, et cette Ampera i sort là début d'année prochaine. Elle arrivera l'année prochaine. On n'a pas les tarifs encore, mais on imagine que ça sera en dessous de 40 000 euros. Ça veut dire que comme on peut bénéficier jusqu'à 10 000 euros de bonus écologique, ça fera un véhicule aux alentours de 30 000 euros. La voiture fait 204 chevaux. Si vous comparez à un véhicule de thermique équivalent, c'est finalement moins cher. Avec une motorisation de cette puissance-là. C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'on a quand même réussi à baisser spectaculairement le prix des batteries et qu'aujourd'hui on peut offrir, alors là quand ils disent 400 km, c'est 400 km d'autonomie réelle. D'ailleurs la voiture a fait Paris-Londres d'une traite et vous pouvez sur le stand, alors c'est amusant, sur le stand on vous propose une course, donc vous faites la course, c'est une course virtuelle bien évidemment entre cette Ampera et puis vous avez une BMW i3, une Renault Zoé et puis il y a une troisième voiture électrique qui sont proposées c'est, et donc vous faites la course entre Londres et Paris et évidemment vous pouvez rouler moins vite avec l'Ampera puisque les autres sont obligés de s'arrêter faire le plein, c'est lièvre et la tortue quelque part. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez aller faire cette petite animation là, c'est rigolo. Merci Stanislas. Eh bien, merci à vous. Voilà, le magazine Automoto vous attend dans les kiosques. Eh ben, j'espère. Oui, on l'espère avec aussi. La photo de Stanislas en couverture. Oula. Ah non, ça se vendra pas ça. Ça se vendra pas ? Non. Bon, à bientôt, merci Stanislas, au revoir. Allez, on enchaîne avec maintenant les souvenirs de ce mondial, Jean-Luc. Exactement, avec Thierry Hess, qui a été pendant 25 ans quand même, 25 le ans. Commissaire général du mondial de l'automobile, et qui a décidé d'écrire ses mémoires. Voilà, donc un livre qui sort à l'occasion du mondial de l'automobile, que vous pouvez d'ailleurs faire dédicacer, et qui raconte un petit peu alors les bons moments, les moins bons, oui. Des anecdotes. Vous allez voir, il y a des choses assez croustillantes. Thierry Hess, bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry. Alors, ce livre, on peut le trouver où déjà? Au mondial de l'automobile, sur le stand de mon éditeur, donc Michel Hommel, dans le bâtiment 2-2. D'accord. Où il est en vente, et à la boutique du salon également. D'accord. 25 ans, commissaire général du salon, on arrive facilement à lâcher derrière ou parce que là, vous êtes encore au salon. Oui, donc c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, en accord avec Michel Zer, qui était le président du comité à l'époque. Je suis allé le voir, je lui ai dit, je pense qu'on va partir ensemble. Les présidents du comité, en général, il y a une alternance entre PSA et Renault, 8 ans chacun, donc 4 salons chacun. Et quand on est arrivé, au bout des 4 dernières années, la dernière année de Michel Zer, je lui ai dit, Louis, je pense que c'est bien qu'on parte ensemble. Et puis, je pense qu'en 25 ans, on fait beaucoup de choses, mais il faut laisser la place ensuite. En 25 ans, vous avez déjà transformé le Salon de l'Automobile de Paris, qui était le Mondial de l'Auto juste avant que vous arriviez, en plus grand salon automobile du monde. Le record, c'était en quelle année et combien de visiteurs? En quelle année c'était, je crois... 2004 ou non? Oui, 2004. On a dépassé 1 400 000 visiteurs, ce qui est un chiffre invraisemblable. Magnifique, d'ailleurs. Je ne sais pas si on pourra l'atteindre un autre jour, mais... L'objectif a toujours été... Enfin, en tout cas, l'objectif a toujours été, effectivement, d'avoir la première place en termes de nombre de visiteurs, de nombre de médias, mais surtout d'être une vitrine incroyable, de rêve pour les visiteurs. Oui, de dépasser le challenge, c'était aussi de dépasser Tokyo, qui était le plus important salon à l'époque automobile du monde. Oui, les anecdotes que je raconte, c'est effectivement un jour, Louis Schneider, qui à l'époque était président de Renault, je le croise dans les allées le dernier jour du salon, et la première question qu'il me pose, c'était « Alors, on est devant Tokyo ?» Je lui dis « Oui, on va être devant Tokyo cette année. Ouais. » Donc, il était très content. À l'époque, déjà, il y avait des liens. Nissan n'était pas encore dans l'alliance, mais ça se rapprochait. D'accord. Le salon a été victime de son succès. Parfois, il y a même une année, vous avez été obligé de fermer les portes. Un de mes pires souvenirs, c'était en 98, donc le centenaire du salon de l'auto, qui était évidemment un des salons les plus fréquentés, et on s'est aperçu que, on le savait, que devant toutes les nouveautés qu'il y avait, la foule au rendez-vous, qu'on allait avoir un problème. Et le problème, il s'est passé le jour traditionnellement le plus fréquenté du salon, c'est-à-dire le dernier samedi, et le samedi matin, ça commençait à être très très très coincé, et à un moment le souterrain entre le 1 et le 2-1 et la passerelle entre le 1 et le 2-2 était coincé, on ne pouvait plus avancer ni dans l'autre sens ni dans l'autre. Il y avait un vrai embouteillage. C'est dingue. Le chiffre que j'ai lu est hallucinant. Il y avait 200 000 visiteurs sur une journée, c'est ça? Oui, plus de 200 000 visiteurs sur une journée, ce que beaucoup de salons aimeraient avoir sur l'ensemble de leur salon, sur plusieurs éditions. Et alors évidemment, je ne suis pas payé pour fermer les portes, mais on a à ce moment-là, j'ai pris la décision de fermer toutes les portes pendant plusieurs heures. On a envoyé des alertes dans tous les médias pour prévenir les gens. Et à ce moment-là, une fois que c'était horrible, parce que moi j'aime bien être sur le terrain, j'aime bien voir comment les gens réagissent. Et les gens partaient furieux en disant plus jamais on ira au salon, on voit rien. C'était un problème. Et à ce moment-là, évidemment, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai un peu joué un jeu un peu bizarre qui était de dire aux consultants, écoutez, je crois qu'il vaut peut-être mieux ne plus faire de salon si le salon se passe comme ça, ou alors il faut augmenter la durée. Après cette édition de 98, qu'on a décidé de faire un troisième week-end, d'élargir les allées du salon, et donc d'avoir 5 jours de plus. Alors aujourd'hui la question se pose de manière différente, mais à l'époque, pour sauver le salon, il fallait, et on l'a fait, et j'étais content que les constructeurs réagissent positivement, on a augmenté la durée. C'était la grande époque. Thierry, vous restez avec nous, on revient dans un instant. On va essayer de vous rappeler aussi parce que c'est vrai que la qualité du son n'est pas on va dire au top. Et on va poursuivre encore. Et avec pourtant, il est de l'autre côté de la rue. Voilà. À la limite, peut-être un pot de yaourt avec un, vous savez, oui, un fil. Ou un porte-voix. Ouais, ou un porte-voix. Ouais. On va essayer mémoire comme ça. De salon, c'est le donc les mémoires. Et vous allez voir, il y a quelques anecdotes assez croustillantes. Et puis on va lui demander les politiques, tiens, parce qu'il les a tous reçus. Tous les présidents de la République, les uns après les autres, tous les premiers ministres. Les politiques, ministres, donc, les people aussi. Les politiques, les people. On va demander, tiens, comment ils réagissent ces gens-là quand ils viennent au Mondial Auto. Quels étaient les plus sympas et les plus désagréables? Allez, à tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts. RMC, votre tour. RMC Basket, le seul show radio 100% basket, c'est Basket Time. Basket Time, Pro A, Pro B, NBA, équipe de France, tout le basket est sur RMC. Tous les lundis dès 21h, avec toute la Dream Team Basket d'RMC. Basket Time, Basket Time, 1h, 100% basket, c'est demain 21h, 22h sur RMC. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. 35 ans, ça se fête. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, midi, sur BFM TV, pour BFM Politique. Et je reçois Patrick Buisson. C'est la première fois que l'ancien conseiller de l'ombre s'exprimera en direct, une heure, à la télévision. Qui est-il vraiment ? Peut-on le croire ? Comment juge-t-il le Sarkozy, version 2017 ? BFM Politique, tout à l'heure, 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. C'est le week-end des experts, c'est l'auto sur RMC. On est là jusqu'à 10h avec Jean-Luc Moreau. Un excellent dimanche avec nous. Et puis dans quelques minutes, vous retrouverez les GG du sport. Jean-Luc. On évoque le salon de l'auto, on évoque la mémoire du salon de l'auto avec Thierry Hess qui était le commissaire général pendant 25 ans. Voilà. Pendant 25 ans. Alors, évidemment, il y a plein d'anecdotes croustillantes. Alors moi, j'ai quand même tiré une question. Vous avez croisé tous les présidents de la République qui sont venus inaugurer le salon, sauf cette année d'ailleurs. Vous avez bien fait de pas être le commissaire général puisque le président n'est pas venu. Je crois que c'est une première. C'est une première. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Bon, il avait une excuse. Il était à un enterrement, mais quand même, il aurait pu venir un autre jour. Mais dans les présidents que vous avez croisés, les plus sympa, ceux qui aimaient la voiture, ceux qui ne l'aimaient pas. Vous en avez connu quatre, c'est ça ? J'en ai connu quatre, effectivement. Donc François Mitterrand, ensuite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le plus sympathique, sans aucun doute, pour moi, c'est Jacques Chirac, que j'ai d'ailleurs reçu à plusieurs reprises, d'abord en tant que maire de Paris. Il avait choisi un dimanche pour venir faire sa visite officielle, qui était la folie sur le plan de la sécurité. Mais ce qui était très sympathique, et où il était... Puis il restait longtemps, c'est ce que j'ai lu. Il restait pas la journée, mais il restait presque autant qu'au salon de l'agriculture. Presque autant, un peu moins quand même, parce que d'abord on lui offrait moins à manger ou à boire. alors que le salon de l'agriculture, c'était le top pour lui. Non, il était très à l'aise, et plus il y avait de monde, plus il pouvait être pris en photo, embrasser les enfants, discuter avec les Parisiens. À l'époque où il était maire de Paris, c'était quelque chose, c'était son je sais pas, il était, j'ai trouvé excessivement sympathique, chaleureux. Mais c'est vrai qu'en plus, Chirac excelle dans ces moments-là, c'est-à-dire dans les salons, etc. Il aimait bien. François Hollande, il aime l'auto ou pas ? J'en sais rien, très honnêtement, je peux pas. En fait, François Hollande, on sait rien sur rien avec lui, quoi, en gros. Simplement, le meilleur souvenir que j'ai de lui, c'est quand je l'ai quitté. Donc en 2014, c'était donc l'inauguration officielle du salon. Et puis je voulais quand même lui dire que je ne le verrais pas en 2016. Alors j'avais peur. C'est très difficile. J'avais peur qu'il prenne ça pour. Vous serez pas élu ou vous serez plus là. Vous serez plus là. Donc je lui ai dit c'est terminé. J'avais 25 ans que je fais ce métier. Donc je pourrais pas. Je ne vous accueillerai pas en 2016. Je savais pas qu'il viendrait pas. Bon. Et à ce moment-là, il m'a pris par le bras. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait pour le développement de l'automobile pendant 25 ans. Il vous a accroché une médaille. Non. Lui non, mais bon, d'autres avant oui, mais bon, peu importe. D'accord. Peu importe. Il l'a dit et j'étais très très heureux en me disant, bon, au fond, le premier personnage de l'État, bon, me rend quelque part hommage et c'était, je trouvais ça très plutôt chaleureux. Voilà. Dans les petites anecdotes, il y en a une, je vais la raconter parce qu'elle m'a fait vraiment rire, parce que vous les écrivez aussi dans ce livre. Et oui. Deux filles d'un prince arabe qui passent sur le stand Bentley et qui voient une Bentley d'une couleur qu'elles n'avaient pas, parce que c'était une couleur qui avait été faite spécifiquement pour le salon. Pour le salon. Et qui veulent repartir avec la voiture, mais pas à la fin du salon. Tout de suite. Quand elles ont dit, c'était une couleur, c'était une couleur horrible, mais voyante, et elles sont approchées, elles ont dit, ah non, pas cette couleur, ce que je trouve incroyable. Ouais, dans le parc automobile. Je ne sais pas combien dans leur garage, de leur père, et elles n'avaient pas cette couleur-là. Bon, elles n'ont pas pu repartir avec, hein, elles ont attendu la fin du salon, en fait. Quand même. Elles ont payé, elles ont fait le chèque qu'il fallait, mais elles ont attendu d'être livrées, effectivement, directement en Arabie Saoudite, puisque c'était le pays concerné, après le salon. Voilà. Mais il y a plein d'anecdotes, vous en citez une, c'est effectivement. Oui, il y en a plein, on ne va pas toutes les citer maintenant, voilà. Thierry. Votre livre, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, on peut le commander sur Internet, j'imagine. Il coûte combien? 19,50€. Bon, bah, c'est parfait. Raisonnable. Voilà. Pour 25 ans de mémoire, ça va. Ça fait même pas 1€ l'année, donc c'est cool. Merci Thierry. Merci Thierry. Mais y a pas de quoi. Bon salon, au revoir. Merci, au revoir. Bon, ben bon, voilà. Puis on a Lionel Robert avec nous. Oui, voilà. Alors lui qui n'a pas 25 ans de salon comme vous. Il en a plus que ça, malheureusement. C'est vrai. Il fait moins. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à vous deux. je suis bien conservé, c'est pour ça. Bah, c'est ça. Bon, alors bon. C'est l'éthanol. Oui. qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce mondial? Enfin, qu'est-ce que vous retenez, puisqu'il n'est pas fini encore, on a encore une semaine. Ben, j'entendais Thierry Hess qui parlait du stand Bentley. Il faudra dire aux princesses arabes que c'est inutile qu'elles passent. Ouais, là, elles ne pourront pas repartir, malheureusement, avec Non, c'est ça qu'on retient surtout de cette première semaine. C'est-à-dire que, en fait, on est un peu sur notre fin. Parce que clairement, l'absence de 10 constructeurs, elle est quand même visible, on va dire. C'est ça. Et le fait de ne pas avoir effectivement, notamment les fameux Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini et consorts, ça rend un peu l'événement un peu plus triste que ce qu'on a pu connaître par le passé. Voilà. Ouais, le rêve, on l'a répété plusieurs fois. Le rêve, c'est essentiel dans l'automobile. C'est pas juste un moyen de transport. Ça doit être aussi. Il doit y avoir cette dimension. Mais puisqu'on parle de rêve, il y a quand même un stand Dacia. Oui, mais vous savez, c'est presque du rêve accessible. Souvenez-vous, Dacia au début, c'était pas sexy. Maintenant, vous pouvez acheter un Duster qui vient d'être stylé, qui est pas moche, et vous avez même une boîte automatique à double embrayage qui est présentée au Mondial de l'Auto. Non, mais attendez. Donc franchement, ça peut être du rêve. Mais bien sûr. Non. Mais... Du rêve, il en reste encore quand même. Il faut pas non plus être trop mauvaise langue. Là, d'abord, chez Mercedes, il y a quand même ce concept Mazda. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Stanislas. Voilà. C'est vrai que moi, ça me fait vraiment rêver. Ça fait même plus que rêver, ça m'excite. Ah bon? Eh oui. Eh oui, faut le dire comme ça. Faut le dire comme ça, d'accord. Okay. Voilà, sinon moi, vous, quoi oui, d'autre? Non, oui. Ce qui m'a excité, moi, c'est la Renault Trésor. Hein, La Maybach 6, on va dire, de Renault. Je trouve ça assez audacieux de la part de Renault de tenter un tel concept car. Ça prouve vraiment que la marque a retrouvé une forme d'ambition. On n'aurait jamais imaginé chez Renault, il y a quelques années, qu'on puisse exposer un concept car aussi, on va dire, extraverti. Oui. Et sinon, en plus accessible, en plus modeste, ce que j'ai remarqué cette année, c'est que les électriques, elles ressemblent plus vraiment à des électriques. Vous savez, comme on les imaginait il y a quelques temps, c'est-à-dire avant, elles étaient plutôt, on va dire, moches. Ouais. Hein, voilà. Ça faisait voiture jouée un peu. Ouais. Voilà, et maintenant, en fait, elles ressemblent à des voitures normales. Elles ressemblent à des voitures, exemple, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, chez Opel, l'Ampera E, ça ressemble tout à fait à une petite citadine, on va dire lambda, c'est plutôt sympathique. Et puis il y a quand même Mercedes qui a aussi présenté la future gamme toute électrique qui apparaîtra d'ici. EQ, voilà, avec un véhicule qui est une espèce de, on va dire, de SUV urbain, un peu dans l'esprit du GLA, de la gamme Mercedes justement. Et c'est une voiture qui est 100% électrique et qui va passer, on va dire, enfin qui va se noyer dans le flot de la circulation assez aisément. Ça m'a particulièrement marqué. Ce qui m'a un peu moins marqué, par contre, c'est les voitures qui ressemblent vraiment étrangement à celles qu'elles remplacent. Oui. Et là, je pense surtout à l'Audi Q5. Ouais, on en a parlé tout à l'heure avec Stan, qui est toute nouvelle, mais qui ressemble à l'ancienne. C'est d'où l'intérêt. Mais alors après, après j'ai aussi été marqué par la C Experience dans ce côté effectivement voiture un peu voiture concept qui évoque les ambitions futures d'une marque. Là en l'occurrence celle de Citroën qui va revenir dans le segment des berlines statutaires, on va dire, dans 2-3 ans. Ça c'est plutôt sympathique. Et puis j'aurais un petit mot aussi quand même. Effectivement on est encore dans le rêve, mais pour la Ferrari Aperta. La Ferrari Aperta. Combien ça coûte, on a le tarif de ça? 1,8 million d'euros. C'est quand même 2 mois de salaire, hein, faut pas. Oui. Alors, ce qui est très drôle chez Ferrari, c'est qu'il y aura donc 209 exemplaires précisément qui seront fabriqués de cette voiture. 200 pour les clients, 9 qu'ils vont conserver, on va dire, en gros, pour la mémoire. Voilà, exactement. Et les 200 voitures destinées aux clients, figurez-vous que c'est Ferrari qui a choisi les clients à qui il voulait les vendre. Voilà, donc ah, ça c'est chouette. Fait, il suffit pas d'être riche, si vous voulez. Il faut être il faut avoir les petits papiers. Et de en Ferrari. Fait, être riche c'est frustrant parce que vous imaginez. Alors nous on n'a pas les moyens, donc on se dit bon, de toute façon c'est pas pour nous. Mais imaginez Ferrari, le gars qui a les moyens, il sonne chez vous, ding dong, bonjour. Voilà, elle est pour vous. Elle est pour vous. On vous a choisi. Faites le chèque. Ah oui, mais j'ai pas d'argent. Merci Lionel. Et un dernier petit mot, rapidement. Allez, juste à l'adresse de Jean-Luc, simplement, il a dû remarquer, et ça c'est un peu frustrant, qu'il y a quand même moins d'hôtesses qu'avant au Mondial. Oui, mais il me fait comment parler, Lionel. J'ai du mal, il s'en remet pas. Mais c'est bien pour ma tension. L'électrique, tension, les hôtesses, tension. Merci Lionel, à bientôt. Je vous en prie, bon dimanche. Merci, au revoir. Lionel Robert aussi d'Automoto. Voilà, puis un petit mot, vous irez voir chez Volkswagen le futur de la marque, puisque à partir de 2025, la marque dit on vendra 1 million de voitures électrique par an. Imaginez 1 million, c'est la moitié du marché français chaque année. On voit, c'est le tsunami des modèles électriques qui arrive. Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine. On sera exactement. Là. On sera encore. Oui, on sera toujours là. On sera là, évidemment, pour votre rendez-vous auto. Un excellent dimanche et dans un instant les GG du sport. On sera là samedi et dimanche prochain. Salut à tous. RMC Football. Demain, l'équipe de France se déplace aux Pays-Bas en match qualificatif à la Coupe du Monde 2018. Début de l'échauffement dès 18h avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team Foot d'RMC. 20h45, coup d'envoi du match Pays-Bas-France et débriefing dans l'after jusqu'à minuit. Pays-Bas-France en direct d'Amsterdam, c'est demain sur RMC, la radio pas comme les autres. Urgence Haïti. Les Haïtiens sont de nouveau dévastés par une catastrophe naturelle. Face à l'ampleur de l'ouragan Matthew, la population sinistrée a besoin de votre aide. Chaque seconde compte. Soutenez les victimes. Faites un don d'urgence sur handicap-international.fr. Hey Jean-Jacques, Bourdin Cash, c'est quoi? J'entends parler que de ça, RMC, c'est quoi? Tu fais sauter la banque ou quoi? Je ne le dis pas, c'est une surprise. Tu verras mardi. 9h58, le journal. Dans quelques instants, suivi des grandes gueules du sport. Un point sur la météo, tout d'abord avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour Serge. Eh bien encore quelques nuages et du brouillard ce matin sur une large moitié nord du pays. Des nuages qui devraient disparaître pour laisser place à de belles éclaircies en cours de journée. Sauf le long des côtes de la Manche et dans l'est du pays où le temps devrait rester couvert et où l'on pourrait même avoir quelques averses au cours de cette journée. Dans les Alpes, ces gouttes pourraient même se transformer en flocons de neige et ce dès 1600-1800 mètres d'altitude. Ailleurs dans le sud et le sud-ouest, le soleil va encore briller. Attention toutefois en Méditerranée à ce mistral et à cette tramontane toujours présent, les rafales pourraient atteindre les 70 km/h localement. Les températures elles restent fraîches ce matin, il fait entre 3 et 7 degrés, cet après-midi on attend de 13 à 23 degrés. Il fera 13 à Strasbourg, 14 à Lille, 15 à Brest et Lyon, 16 à Paris, 20 à Marseille et la maximale attendue à Ajaccio en Corse avec 23 degrés. La météo avec Atlantique, chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 16h15, rugby top 14, le choc, Clermont-Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. Les amis, les grandes gueules du sport arrivent dans quelques secondes après le journal, présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. Les agresseurs sont toujours recherchés au lendemain de l'attaque de 4 policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Des sanctions exemplaires seront demandées, indique le Premier ministre Manuel Valls. La ville est désormais quadrillée par des policiers et des CRS arrivés en renfort. 2 policiers ont été grièvement blessés par des jets de cocktails Molotov. On apprend ce matin que l'état de santé, que l'un d'eux s'est dégradé. Les précisions de Claude Carillo, secrétaire départemental Alliance dans l'Essonne. Concernant l'état de santé de mes collègues, c'est beaucoup plus rassurant pour notre collègue, mère de famille de 3 enfants. Dans la nuit, elle a pu rentrer chez elle. Mais par contre, c'est très inquiétant pour notre jeune collègue adjoint de sécurité qui, lui, est en train de lutter pour la vie, qui a les poumons qui ont été touchés, qui se trouve brûlé au deuxième degré, voire au troisième, et qui devra certainement faire une greffe du visage. Il a été placé en coma artificiel parce que les souffrances doivent être atroces et son pronostic vital est très inquiétant pour les 48 heures à venir. Bernard Cazeneuve refuse de dévoiler les noms des individus fichés S aux maires des villes qui le demandent. Le ministre de l'Intérieur s'exprime dans les colonnes du JDD. Dans cet entretien, il se justifie en avançant la nécessaire confidentialité des enquêtes. En Allemagne, la chasse à l'homme se poursuit. La police allemande recherche un jeune Syrien de 22 ans soupçonné de préparer une attaque à la bombe. Les recherches se concentrent dans l'est du pays. Des traces d'explosifs ont été retrouvées dans l'appartement du suspect. La sécurité a été renforcée dans les gares et les aéroports. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Haïti après le passage de l'ouragan Matthews. L'ouragan qui a fait plus de 900 victimes selon un bilan toujours provisoire. En Floride, 11 personnes ont été tuées. L'aide internationale s'organise. Une soixantaine de militaires et pompiers français décollent en ce moment même d'Orly, direction Port-au-Prince. En Syrie, la ville d'Alep, loin, très loin d'être sauvée. Nouvel échec de la communauté internationale hier. Conseil de sécurité de l'ONU, pour rien, aucun texte de cessez-le-feu n'a pu être signé. Donald Trump, de plus en plus seul, mais ne compte pas abandonner sa campagne. Le candidat républicain perd tous ses soutiens après la révélation